Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de RGM, Radio Guimauzo, 107 MHz. Et ce soir, eh bien, c'est l'émission du lundi soir. C'est calendrier des esclavages et des libérations. Hein, depuis quelques années avant Jésus-Christ jusqu'à 1984, date à laquelle s'arrête le livre que j'ai sous les yeux. Eh bien, on fait l'inventaire de tout ce qui s'est passé dans le monde, une bonne partie de ce qui s'est passé dans le monde en ce qui se concerne les esclavages et les libérations. Il y a du positif, il y a du négatif, c'est la vie. Voilà, alors faut essayer que le positif l'emporte sur le négatif, mais voilà, ça va pas tout seul. Alors, ce soir, eh bien, je vous présente des enregistrements pris à la radio, à la télé, une revue de presse, etc. Hein. Alors donc, Alexis Corbière, si vous donnez la parole au peuple, ce que je vois dans votre agressivité, c'est la trouille. Débat, qui a tiré son épingle du jeu? Grand débat, la France insoumise cite la Bible. Eh oui, la France insoumise cite la Bible. Ah, vous voyez que, hein? Bon, l'avis de François Ruffin sur Jean-Luc Mélenchon, le couple Ruffin-Mélenchon en marche. Ruffin-Mélenchon en marche. Eh oui, vous avez bien entendu. Hein? Ben oui, ben on verra ce que ça donne. Hein? Et il faudra écouter la suite pour savoir. L'agriculteur Paul François face à Monsanto. Le gars qui a gagné un procès contre Monsanto, un monstre capitaliste qui tente d'écraser le monde entier, et puis auquel fait face un petit agriculteur, et le petit agriculteur finit par gagner devant la justice. Le vide des discours politiques par Franck Lepage. Alors ça, c'est bien marrant, parce que là, il faut être très attentif. Hein. Si vous faites la vaisselle ou quelque chose en écoutant ça d'une oreille peu attentive, vous aurez l'impression d'entendre un discours politique ordinaire, normal, habituel. Eh bien, écoutez attentivement et vous verrez, vous comprendrez ce que c'est qu'un discours creux. Les discours creux auxquels on nous a tellement habitués qu'on finit par ne plus faire tellement attention. Hein, ne plus remarquer à quel point les discours creux sont vraiment, vraiment creux. Hein. Ensuite, eh bien, présidentiel, le langage Macron. Alors, ça tombe pile après cette histoire sur cet humour sur les discours creux, le langage Macron. Ça, c'était pris sur France Info. Mexique, mur, drogue et corruption. Là, c'est une émission qui est enregistrée sur Arte. Une chaîne qui passe aussi de bonnes émissions. Ah oui, on a la barre du choix finalement avec toutes les chaînes de télé, toutes les radios, tous les journaux qu'on a à notre disposition. En picorant ici et là, on arrive à prendre le meilleur de chaque. Et ben c'est pas si mal. Mais bon, il faut choisir hein, parce que c'est vrai que entre deux bons morceaux, il y a quelquefois de la lavasse. Hein. Hein, il y a souvent de la lavasse, et comme par hasard, cette lavasse, eh bien, on nous la verse à profusion au moment de, aux heures de grande écoute. Eh ben oui, parce que imaginez que on fasse tout pour nous rendre attentifs, intelligents. Hein, eh bien, on ferait des piètres électeurs. Ben oui, parce qu'un électeur qui réfléchit, c'est un électeur qui est dangereux, qui est embêtant, qui est gênant. Hein, voilà. Ensuite, bon, Mexique, mur, drogue et corruption sur Arte. Le petit notable, ben, c'est une chanson que vous connaissez déjà un peu, vous pouvez l'avoir entendue quelquefois sur cette antenne, au cours de cette émission. Hein. Je ne désigne personne en particulier. Cette chanson-là était écrite avant ma naissance, qui sait si ça se trouve. Hein. Ben oui. Alors, spécial révolution, François Ruffin. Et sa cuisine, François Ruffin et sa cuisine. Alors ça, c'est quelque chose de, c'est un document historique. Hein. Ah oui, oui, il y a de quoi se marrer parce que François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, ils ont le sens de l'humour. Et oui, on les présente souvent comme des méchants, des hargneux, des teigneux, des gens qui sont tout Non, non, non, pas du tout. Ils ont beaucoup plus d'humour que certains autres. Voilà. Et puis, évidemment, le calendrier des esclavages et des libérations qui vient tout de suite. Le calendrier des esclavages et des libérations, le 21 avril. 21 avril 1834, en Grande-Bretagne. 6 journaliers agricoles de Dorchester étant condamnés à la déportation en Australie pour le seul motif d'être syndiqués, pour le seul motif d'être syndiqués, mais c'est en 1834, c'est en Grande-Bretagne, hein. Il n'était pas question de Brexit à l'époque, ni de Macron, ni de tout ça, hein. Donc, le seul motif d'être syndiqués. Vous imaginez ça? 250 000 personnes signent une pétition en leur faveur. Une manifestation rassemble 30 000 travailleurs. Mais Lord Melbourne s'entête et refuse toute remise de peine. C'est pas dans la France de Macron qu'on verrait des choses pareilles, bien sûr. Bien sûr. Hein, c'est sûr, vous êtes certain. Ah oui, ben moi aussi, moi un peu moins peut-être quand même. 1840, parce qu'on arrive progressivement de glissement en glissement à une situation qui va être certainement assez explosive. 1847, Allemagne. 3 jours d'émeute à Berlin. La révolution des pommes de terre, c'est comme ça qu'on avait appelé cette émeute à Berlin, provoque une répression très dure. Tiens, répression très dure là encore. 1927, Italie. Promulgation de la charte du travail. Elle groupe les salariés dans un réseau de corporations et les intègre au régime fasciste. Ah, ouais. Et les syndicats, c'est mieux que quand ils sont libres quand même, hein, qu'ils sont pas incorporés à un régime politique et surtout pas au régime fasciste. Alors n'oublions pas que nous avons 6 millions de chômeurs en France en 2019. Et 6 millions de chômeurs, on a déjà connu ça, c'était en Allemagne en 1932. Et l'homme à la petite moustache qui avait écrit dans Mein Kampf « J'utiliserai les armes de la démocratie pour détruire la démocratie », eh bien, il a réalisé son vœu. Oui, en 1933, il était élu et il a instauré un régime fasciste, lui aussi, et il a détruit la démocratie. Et puis il n'a pas détruit que la démocratie, il a détruit une bonne partie de l'Europe, une bonne partie de la population européenne et une bonne partie des usines, des routes, des lignes de chemin de fer, etc., etc. Il a tué beaucoup de monde. Alors il faut faire très attention quand on vote. Hein. Même si on est très fâché contre le personnel politique, et il y a de bonnes raisons, il faut quand même penser que, voilà, il y a un risque. Hein. Donc le chômage peut faire basculer le régime démocratique dans le fascisme. Alors, n'oublions pas ça lorsque nous irons voter, bien sûr. 1939, France. Un décret-loi supprime la majoration pour les heures supplémentaires de la 41e à la 45e. Les autres seront payés avec 5% de majoration seulement. Les acquis du Front populaire sont grignotés de plus en plus. C'était en France, hein? Oui, c'était en France, mais c'était en 1939, hein? Oui, c'est du passé. Du passé, faisons table rase, dit la chanson. Hein, nos gouvernants de maintenant, de 2019, ne risquent pas de nous jouer des tours de cochon de ce genre-là. Certainement pas. Mais non. Allez. Ils ont l'air comme ça, mais non. 1943, Pologne. Enfin, méfions-nous quand même. 1943, Pologne. Pour la première fois, les nazis signalent des membres de l'organisation féminine à Lutzen dans la révolte du ghetto de Varsovie. Eh oui, le ghetto de Varsovie, il a existé parce que les nazis sont arrivés au pouvoir en Allemagne, quelques années auparavant. 1967, Grèce. Coup d'état militaire des colonels. Georges Papadopoulos, qui en est l'instigateur, inaugure près de 6 ans de pouvoir arbitraire, lié à des arrestations massives et des procès sommaires. Là encore, toute ressemblance, etc. 1980, Brésil. La grève des métallos se poursuit. La police interdit aux grévistes l'accès au stade de football de San Bernardo, où ils avaient l'habitude de se réunir tous les jours. Ils sont accueillis par les autorités religieuses dans l'église de San Bernardo. calendrier des esclavages et des libérations, le 22 avril. Le 22 avril 1519, au Mexique, vêtu de velours noir, car c'est un vendredi saint, Hernán Cortés débarque sur le nouveau continent. Il rencontre l'envoyé de l'empereur aztèque Moctezuma. L'irruption colonialiste commence. La conquête espagnole désorganisera le système de travail des Indiens et créera de nouvelles formes d'esclavage par le mépris des lois, l'occupation des terres et la non-rémunération du travail. 1525, France. Les chartreux d'un couvent du domaine strasbourgeois, menacés par les paysans révoltés, veulent se réfugier à Strasbourg. Ils amènent avec eux un lourd chargement de vin. Le petit peuple confisque la boisson, mais le conseil de la ville prend parti pour les chartreux. Alors, au départ de ce paragraphe, il y a une petite erreur. 1525, Strasbourg n'était pas une ville française. Hein. L'Alsace était allemande. L'Alsace est devenue française en 1638, suite à la fin de la guerre de 30 ans, disons. Hein. 1870, Russie, à Simbirsk, aujourd'hui Ulyanov, sur les rives de la Volga, naissance de Vladimir Ilitch Ulyanov, qui prendra le nom de guerre de Lénine. Mais son nom de naissance, c'était Ulyanov, Vladimir Ilitch Ulyanov. 1915, Allemagne. Utilisation du gaz par l'armée allemande entre Ypres et Langenmark sur un front de 6 km. 1925, Japon. Une loi sur le maintien de l'ordre organise la répression anticommuniste. Dans la suite, elle sera utilisée contre beaucoup d'autres. 1961, oui, un parti politique qui laisse faire la répression sur un autre parti risque de subir le même régime un jour ou l'autre. Ah oui, la démocratie, il faut la défendre sur tous les fronts. 1961, Algérie française. À Alger, putsch des généraux pour l'Algérie française. Malgré le référendum réalisé en France le 8 janvier et approuvant l'autodétermination pour le peuple algérien, malgré, bah oui, on a voté par exemple contre le traité de Maastricht, eh bien ça n'a pas empêché de quelque temps après de faire comme si on avait voté pour. Bah oui, l'électeur, on peut se moquer de lui, l'électeur il n'a pas que ça à faire, hein. Et la politique c'est pas son métier, il faut qu'il gagne sa croûte aussi, alors pendant ce temps-là, les politiciens, bah ils font ce qu'ils veulent. Et oui, donc, ouais, c'est un peu de notre faute, mais enfin... Pas que. 1972, Grèce, manifestation de 300 étudiants devant l'école polytechnique à Athènes. 1975, les grèves antifascistes à l'appel des syndicats. 1981, France, à Lyon, une manifestation de plusieurs milliers de personnes soutient les grévistes de la faim en faveur des immigrés. Alors, je vais oublier 1967, Espagne, les grèves de solidarité se multiplient dans le Pays basque. Le gouvernement déclare l'état d'exception dans la province de Vizcaya. Esclavage et des libérations, que s'est-il passé le 23 avril ? Eh bien, le 23 avril 1525, en Suisse, influencé par le soulèvement du Sundgau en Allemagne et de la Forêt Noire, les paysans suisses s'insurgent à leur tour. Une bande forte de 1200 hommes de la région de Zurich attaque le couvent de Rutli. 1594, France, en Dordogne, 8000 paysans protestent contre les agents du fisc tout en manifestant leur attachement au roi Henri IV. Celui-ci répond aux paysans et donne en même temps ordre de mater la rébellion. Voilà, d'un côté il est favorable dans le discours, mais dans l'action il est défavorable. Voilà, c'est ce qu'on appelle le double langage, le double jeu, le... enfin bref, la traîtrise quoi. 1675, France, la révolte des bonnets rouges continue. À Nantes, le peuple attaque les bureaux de tabac et de marquage de l'étain au cri de « Vive le roi sans impôts !» 1848, France. Les premières élections au suffrage universel masculin, ajournées deux fois par peur des socialistes, donnent une majorité modérée, moins de 100 socialistes. 1905, France. Fondation du Parti Socialiste comme SFIO, c'est-à-dire Section Française de l'Internationale Ouvrière. 1906, France. Une grève de 118 jours commence aux forges de Hennebon en Bretagne. 1909, France encore, à Méru, 36 patrons réunis autour du préfet refusent l'accord conclu le 31 mars entre les délégués syndicaux et patronaux. 1916, Irlande. À Dublin, révolution de 1200 militants de l'armée souterraine. À leur tête, James Connolly. Mais la population ne soutient pas le mouvement qui sera écrasé par 20 000 soldats. Connolly et 15 meneurs sont arrêtés. 1919, France. Loi sur la journée de 8 heures, avec possibilité d'aménager la semaine anglaise, entre guillemets, semaine anglaise. 1930, Inde, la campagne de désobéissance civique atteint Peshawar. 1936, Palestine, grève générale organisée par le Haut Comité arabe pour exiger l'arrêt de l'immigration juive. 1936. 1943, Pologne, face à la révolte du ghetto de Varsovie, le commandant nazi change de tactique et utilise l'incendie comme principal moyen de lutte. Des gens qui étaient bien courageux de lutter avec les petites armes qu'ils avaient contre l'armée nazie qui était suréquipée, surarmée. 1947, France, chez Renault, suite à des pétitions réclamant une augmentation uniforme de 10 francs anciens de l'heure, la popularisation de l'idée d'une grève par les mouvements gauchistes progresse. Un comité de grève est élu par 700 travailleurs. Alors gauchistes, c'était en 1947, pas en 68. Hein. Donc, vous voyez, des gauchistes, il y en a toujours eu, des gens de gauche. 1954, France. Le secrétaire d'État des USA, Dulles, Foster Dulles, refuse à Bido le déclenchement de l'opération Vautour pour dégager Dien Bien Phu, mais offre deux bombes atomiques. Rendez compte, en 1954, on a échappé de peu à une guerre atomique, parce que c'est sûr qu'il y aurait une réplique, il y aurait une réponse. Hein? Ben oui. 1968, USA. Les étudiants manifestent contre la décision de l'Université de Columbia d'exproprier les Noirs de Harlem pour construire un gymnase. 1974, Espagne. Les 900 ouvriers de la verrerie Elsa commencent une grève pour protester contre le licenciement de plusieurs de leurs camarades. 1979, Afrique du Sud. 5 ouvriers de Fatis and Moniz Factory au Cap sont licenciés sans raison. Une grève de 7 mois à retentissement international commence. 1980, Brésil. Interview du président de la République concernant la grève des métallos. Question. Comment jugez-vous la participation de l'Église dans cette grève? Réponse. Je la juge mauvaise, très mauvaise. Mais ce n'est pas l'Église, ce sont seulement certains secteurs de l'Église. La hiérarchie. 1981, Syrie. Meurtre politique commis sous l'égide des autorités. Les forces de sécurité isolent la ville de Hama, fouillent les maisons une à une, obligent les habitants à sortir dans la rue où ils les abattent. On fait état de 350 morts et 600 blessés. Peut-être s'agit-il de représailles contre l'hébergement de frères musulmans dans cette ville. Donc l'intégrisme musulman par contre-coup, voilà. Hein. 1984, Saint-Domingue. Paralysie des transports, fermeture des commerces, émeutes dans la capitale, notamment dans les quartiers populaires du nord et de l'est. Il s'agit d'une protestation contre l'augmentation du prix des aliments de base. L'armée et la police interviennent. On parle de plus de 40 morts. Voilà, rien à voir avec la situation en France ou dans les pays analogues en 2019. Là, actuellement, ils vont devoir dire des choses concrètes. Les Français ne sont pas des imbéciles. Il y a des gens, moi j'avoue que je n'ai pas été de ça, mais qui ont aussi, pourquoi pas, c'est une bonne intuition de donner la parole. Mais il y a un problème de fond, c'est que si vous donnez la parole au peuple, il faut que le peuple, au moment donné, il décide. On ne peut pas rester à la seule décision d'un seul homme dont on ne sait pas. Vous allez forcément être déçu, vous allez nous dire la semaine prochaine, quand Emmanuel Macron va commencer à dire, voilà, je vais faire ça, vous allez dire, bah voilà, la montagne est couchée d'une souris. Qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire? Mais si, non, mais. Son départ. Mais non, non, mais pourquoi pas? Non, mais plutôt qu'une restitution pour avoir une destitution. Ça pourrait. Non, mais au moins qu'on en revienne aux urnes. Son départ pour son départ, mais qu'on en revienne aux urnes. Une dissolution. Ben, pourquoi pas? Vous remettez vous-même votre mandat en jeu. Aucun problème. Aucun problème. Je l'ai dit plusieurs fois. Vous savez, je pense qu'on a un problème de fond. Moi, j'ai souvent dit, par exemple, le problème. Il est temps de passer à l'action parce que. Mais on dit la même chose. Revoter alors que les Européennes fin mai. On dit la même chose. Par exemple, le gouvernement aurait pu entendre la colère. La colère, elle est sociale. Ce que veulent dire les Gilets jaunes. Au-delà, vraiment, le soutien dans le pays. Je parle même pas des gens qui manifestent. C'est la face immergée de l'iceberg. Mais c'est en gros, les gens, effectivement, ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Une fois de plus, ils trouvent que c'est quand même incroyable. Moi, j'ai discuté encore avec une petite dame l'autre jour qui, elle gagne 1000 euros, 1050 euros. Elle a même plus à payer son loyer. Une dame qui a travaillé toute sa vie. Et des exemples comme ça, vous donnez souvent la parole à l'antenne. Nous sommes aujourd'hui face à une majorité qui considère que de demander l'opinion au peuple français d'une décision pour laquelle vous n'avez pas été élu. Vous n'avez pas été élu pour ça. Ce n'était pas dans votre programme, ni celui du président de la République, ni celui que vous avez mené dans vos circonscriptions. Vous prenez cette décision. Toutes les études d'opinion démontrent que les Français, lorsqu'ils sont interrogés sur cette question, ne sont pas favorables à cette privatisation. Et vous voulez passer en force. Et quand nous utilisons le seul outil législatif qui existe, extrêmement complexe au demeurant, extrêmement complexe, qui mérite qu'un nombre très important de parlementaires se prononce, qui mérite qu'un nombre important d'électeurs s'inscrivent, eh bien vous tremblez, car en dernière analyse, ce dont vous avez peur, c'est du peuple. Oui, vous avez peur, et c'est très inquiétant. Mes chers collègues, vous êtes dans cette affaire, dans une dérive autoritaire qui vous fait dire n'importe quoi, qui vous fait dire n'importe quoi, qui montre votre vrai visage, ceux de gens arrogants, sectaires, ayant peur du peuple. Un ministre a osé dire qu'il y avait une dérive populiste à utiliser la loi. Monsieur le maire, vous êtes incroyable. On devrait vous mettre sous verre. Vous êtes le macroniste aujourd'hui de référence. Celui qui dit que quand on veut faire appel à la loi pour que le peuple soit consulté et que le peuple souverain se prononce, vous voyez là une dérive populiste. Vous voudriez que le peuple soit mis à distance. Ne êtes-vous pas choqué, monsieur le ministre, de participer à un gouvernement qui, une fois de plus, n'a pas été élu pour faire ce que vous nous proposez aujourd'hui? Et quand nous disons « vérifions », Madame Grégoire, vous pouvez crier 100 fois, vous savez, mais vous êtes le visage, vous dites cette inquiétude. Madame, puisque vous êtes aussi déterminée, notre seul souverain et arbitre, c'est le peuple. Et ce que je vois dans votre agressivité, c'est la trouille du peuple. Ah oui, comme je suis fier d'être insulté par vous. Un peu de calme, mes chers collègues, un peu de calme. De populiste. Oui, appelons le peuple à se prononcer sur ce grand débat. Donnons-lui la parole. Vous qui nous bassinez avec votre grand débat, ayez le courage de donner la parole à 44 millions d'électeurs, aux Français, qui sont les propriétaires de la Française des Jeux, qui sont les propriétaires d'Aéroports de Paris, qui sont les propriétaires d'Engie. parce que vous ne voulez pas leur donner la parole, vous apparaissez sous votre vrai visage. Vous êtes la courroie de transmission d'intérêts privés. Vous bradez véritablement ce qui appartient au peuple. Vous faites de mauvais choix et vous serez sanctionnés pour cela. Grand débat. Ils ont voulu... Un contre tous, tous contre un. Stanislas Guérini, chef de file de La République En Marche, est au cœur des plus vives critiques. Deux retraités sur trois, monsieur Guérini, regardez-moi. Deux retraités sur trois qui ont perdu du pouvoir d'achat. Le président de la République, regardez-moi s'il vous plaît. Oh, excusez-moi, vous évoquez le président de la République. Je reste libre de mes mouvements. Je sais que vous êtes un peu autoritaire. À seulement 28 ans, Adrien Quatennens réussit son baptême du feu. Incisif, précis, le député de la France Insoumise règle sa mire et vise le chef de l'État. L'ordre républicain, c'est la souveraineté populaire, bafouée depuis 2005 et que M. Macron continue à bafouer. L'ordre républicain, c'est l'égalité devant l'impôt. C'est la justice sociale. L'ordre républicain, c'est les intérêts particuliers soumis à l'intérêt général. C'est la loi contre les privilèges. C'est la loi contre les Benalla. L'Europe, frein ou moteur pour la France ? Nicolas Dupont-Aignan, seul débatteur tête de liste pour les élections en mai prochain, a choisi son parti. Cette Europe ne marche pas. Cette Europe où on a transféré des pouvoirs extravagants à trois organismes dont les membres ne sont pas élus. La Commission de Bruxelles, la Banque Centrale, la Cour de Justice. Et nos gouvernements successifs, vous élisez les présidents de la République, les uns après les autres, ils sont prisonniers de règles et ils ne peuvent pas s'en extraire. Trois heures d'un débat parfois houleux, tendu, où certains visages ont émergé. Le compte à rebours est lancé. Il reste 45 jours avant les élections européennes. C'est à Monsieur Ruffin la parole. Monsieur le Premier ministre. Je connais un bon otorino. Vous êtes sourd aux Français et vous êtes sourd, sans surprise, de l'oreille gauche. Qui le président de la République a-t-il nommé au Conseil constitutionnel le mois dernier ? Votre ami, votre mentor Alain Juppé. C'est lui qui va désormais contrôler les lois votées ici ? La voilà l'exemplarité ? Votre caste continue comme avant. Débouchez-vous les oreilles, monsieur le Premier ministre. Faites péter le cérumen. Enlevez vos boules-quies. Sinon, le peuple pourrait bien crier encore plus fort et vous servir d'otorino. Ainsi s'accomplit la prophétie d'Isaïe. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, merci, que leur cœur ne comprenne. Madame Danielle Obono, pour 5 minutes et pour la France insoumise. Au commencement était le verbe Jupiteria. Jupiter a dit « Make our planet great again ». Ce qui, en pensée complexe macronienne, signifie en réalité « Make greenwashing great again ». Vive la finance verte, vive l'économie de la République, je vous le rappelle. Ainsi, sur un sujet aussi crucial pour la... Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient. Monsieur Ruffin, afin que vous entendiez bien... Sachez que c'est moi qui ai nommé Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Alors aujourd'hui, par rapport à votre candidature aux élections législatives, vous êtes notamment soutenu par la France Insoumise. C'est quoi être un insoumis, en fait, finalement ? En tout cas, je n'ai pas entendu d'être soutenu par la France Insoumise. Je le suis aussi par le Parti communiste, par Ensemble et par Europe Écologie Les Verts, pour être insoumis. Quand tu fais des mouvements, tu sais que tu vas devoir rentrer dans quelque chose, quoi, que tu vas avoir des obstacles. Il faut vivre avec des obstacles. Et par exemple, dans les luttes de Jean-Luc Mélenchon, sa personnalité, vous voyez des convergences, c'est un exemple, c'est... Bah écoute, après, il y a beaucoup de reproches à faire à Jean-Luc Mélenchon, sans doute, mais enfin, il y a du... Lesquels, par exemple ? Non, mais j'en sais rien, mais il y a du tempérament. C'est pas évident, il faut voir ce qu'on peut se prendre dans la figure, même quand tu fais des petites luttes locales et quand t'es candidat au niveau local, tu te prends quand même des trucs, bon, faut être costaud, bon, bah, il y a du tempérament, il tient debout, quoi, le bonhomme, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il peut faire mieux, justement ? Qu'est-ce qui, selon vous, dans quel domaine il va pas assez loin, par exemple ? Oh, j'en sais rien. Non, après, comme dirait ma mère, elle me dit que je parle trop vite et puis que je souris pas assez. Mais il faut qu'il arrive à sourire encore plus, quoi. Il faut qu'il arrive à être sympa, il faut que ma mère, elle le trouve sympa, quoi. comme l'a très bien montré tout à l'heure François Ruffin, pour se débarrasser du problème qu'il n'osait pas affronter dans ce pays, qui était son salariat organisé. Comme l'a très bien montré tout à l'heure François Ruffin. Si j'étais le Hollande de 2012, le Hollande de 2012 qui dit qu'il veut changer l'Europe. Mais la première chose qu'il doit faire, enfin Jean-Luc s'exprimera sans doute beaucoup mieux là-dessus que moi. Et tout à l'heure, Ruffin vous a dit une chose que vous devez, j'espère que vous avez bien écouté. Il a dit qu'il faut retourner sur les ronds-points avec les barbecues. On finira par lui faire dire une date. Ah voilà. J'ai vu mon président de la commission. Alors c'est pas mon président préféré est assis au premier rang. Chacun d'entre nous contribue à la lutte, à sa manière, à sa façon. Alors moi, je fais des synthèses, j'écris, je fais des discours. C'est bien. Mais Ruffin, il fait mieux. C'est un artiste, c'est un créateur. Quand il fait un film comme le sien, dans la salle, les gens rient, les gens pleurent, les gens applaudissent, les gens huent Macron. Ça fait du bien. C'est pas un documentaire, c'est un film. Et c'est un film qui parle à tout le monde, qui mobilise, qui transforme ceux qui le regardent. C'est un moment commun d'éducation populaire. Chacun d'entre nous est un artiste à sa manière. Je peux vous dire, vous autres qui l'avez pour député, qu'en effet, François Ruffin est un atome libre. Eh bien, je vais vous dire autre chose. Tant mieux pour moi, qui n'ai pas à lui dire ce qu'il a à faire. Et ce pays est rempli d'atomes libres. Nous sommes 65 millions de mauvais sujets, dont une petite poignée s'est accordée pour vivre fort largement sur le dos de tous les autres. Pour la première fois, j'ai un invité dans ma cuisine. C'est mon président en plus. Et qui tenait absolument en passant par Amiens pour le meeting ce soir des européennes, il va pas visiter la cathédrale, il va pas visiter les européennes, mais il voulait voir ma cuisine. Déjà, dans un couple, j'ai l'impression qu'il y a une personne en trop. Alors. Vous entendez, je vous jure que c'est vrai, il me l'a dit. Il m'a dit, un couple, c'est déjà un collectif trop large pour moi. Alors, dans un groupe, je me demandais que ça allait être toi, et puis t'as quand même ta réputation, tu vois. Et, oh ouais, si, ouais. Mais donc, je me disais, bon, je vais pas tenir. Et en fait, bon, t'as été assez habile, ou t'as été pour laisser une marge de manœuvre, une respiration qu'on puisse vivre à l'intérieur. Moi, je suis comme ça. Ton talent, pardon, là, ça fait paternaliste que je vais te dire. Je le sens. Comme je sens le talent des copains. Personne n'est là par hasard. Toujours en France, au volet judiciaire, reprise de la procédure qui oppose depuis 12 ans un céréalier français à la firme Monsanto. Quatrième procès aujourd'hui à Lyon. Empoisonné en 2004 après avoir inhalé un herbicide commercialisé par Monsanto, l'agriculteur Paul François avait obtenu gain de cause en première instance, puis en appel. Mais en 2017, la firme s'était pourvue en cassation. L'affaire avait de nouveau été renvoyée devant la cour d'appel. Et Paul François souhaite maintenant que lumière soit faite et espère la reconnaissance définitive de la responsabilité du géant américain pour toutes les victimes. On peut faire un comparatif avec ce qui s'est passé dans l'amiante il y a 20 ans, à savoir que les firmes ont la même stratégie pour des gens qui osent à un moment donné dire voilà, ce que vous avez fabriqué peut m'empoisonner et peut-être empoisonner d'autres personnes. D'un point de vue familial, il y a eu des impacts. C'est évident. Mes deux filles, ma femme qui n'est plus là aujourd'hui, qui est décédée il y a quelques mois, a subi ce combat. Donc maintenant, j'aspire à tourner la page. Donc j'espère vraiment que la justice va trancher dans quelques mois définitivement. Ce que j'avais vraiment pas imaginé, et je crois que François Laforgue pourrait vous confirmer, c'est la violence de Monsanto. Quand je parle de violence, c'est un harcèlement quotidien. Sur ma personne, un harcèlement qui suit les règles, mais c'est-à-dire qu'à une époque, en 2014, je pense, où j'ai envisagé de stopper cette procédure, Monsanto me faisait déposer par des huissiers leurs conclusions, les écritures des avocats, dès qu'ils changeaient une phrase. Donc si à un moment donné vous arrivez à les oublier, ils font en sorte que vous ne les oubliez pas. Et puis comme c'est la politique de vous discriminer du doute, parce que ils remettent même en doute l'intoxication, mais l'accident, alors qu'il n'y a pas à le remettre en question. Donc ça, c'est une pression morale. Je me sens aussi fatigué. On continuera jusqu'au bout pour ces milliers de personnes. Mais je suis fatigué parce que cet harcèlement, ça a eu des conséquences. Voilà. Mais déterminé, motivé, mais fatigué de tout cela. J'ai vraiment aussi envie que si on gagne, voilà, ça montre aux entreprises, à ces multinationales, qu'effectivement, un simple citoyen comme moi peut les faire condamner, qu'ils ne soient plus impunis. Alors, à ce stade, mesdames et messieurs, il faut que je vous explique deux, trois trucs. Vous pouvez vous retrouver dans un colloque. Vite fait, règle de base numéro un, vous allez dans un colloque pour être d'accord, pour montrer que vous êtes d'accord avec le pouvoir qui organise le colloque. Vous n'avez jamais aucune raison de manifester le moindre désaccord, c'est très mal vu. Si vous voulez être en désaccord avec quelqu'un pour lui piquer le contrat de recherche avec la mairie ou je sais pas quoi, dans ce cas-là, vous dites « je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire l'intervenant précédent ». Simplement, comme il a manqué de temps, il n'a pas pu revenir sur cette notion qui, moi, me paraît essentielle. Et donc là, le type est salaud. Vous avez plusieurs entrées en matière très rassurantes. La première, c'est au fond. Alors, je vous l'ai fait, donc vous avez compris le truc. Hein. Par exemple, vous imaginez un colloque sur violence et banlieue. Alors, si c'est un colloque du ministère de la Culture, vous dites, au fond, mesdames, messieurs, on peut se demander si la question de la violence dans les banlieues est un problème de délinquance. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément une question de nature culturelle? Vous voyez ? Alors, vous imaginez la même question traitée par le ministère de l'Intérieur, hein. De la justice. Enfin, donc vous dites, au fond, mesdames et messieurs, on pourrait se demander si la question de la violence dans les banlieues est une question culturelle. Est-ce que ça ne serait pas plus profondément, plus simplement, un problème de délinquance? Oui, donc ça marche très bien. Vous avez l'introduction très classique, c'est, mesdames, messieurs, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti. Alors, vous ne l'avez pas vu passer, c'est revenir, le mot important. Ça veut dire que vous n'allez rien dire de nouveau, et c'est très très rassurant. Vous avez besoin d'une dizaine de concepts opérationnels, c'est-à-dire de mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui donnent l'impression de dire quelque chose. Là, je vous ai préparé une communication à 17 mots. C'est pour les besoins du spectacle, hein. C'est énorme. Vous n'avez jamais, jamais, jamais besoin de ça. Vous n'êtes pas là pour faire passer le maire pour un imbécile, hein. Lui utilise à tout casser, quoi, 5 mots, 6 mots, enfin, vous voyez... Vie associative, partenariat, développement local, enfin, le préfet, s'il est là, il utilise deux mots, lui, république, sécurité, enfin, vous voyez. Alors, je les bats devant vous, j'espère que vous me faites confiance. Je coupe. Et donc vous dites, mesdames, messieurs, monsieur le président, monsieur le représentant du conseil général, monsieur le maire, je voudrais revenir dans le temps qui m'est imparti sur une notion qui, moi, me paraît essentielle. Et cette notion, c'est évidemment la question des habitants, que je voudrais mettre avec cet autre concept qui est celui des acteurs. Si nous voulons considérer les habitants comme des acteurs, c'est-à-dire réaliser avec eux un authentique diagnostic partagé qui prenne véritablement en compte la dimension interculturelle, alors, à l'heure de la décentralisation, ce que nous appelons encore « citoyenneté » doit nécessairement s'inscrire dans une proximité, parce que la question démocratique est tout entière contenue aujourd'hui dans celle de la préservation du lien social, et à l'heure de la mondialisation, c'est désormais l'espace du local qui est l'espace du partenariat que nous devons tisser de solidarité, faute de quoi ? Faute de quoi, lorsque nous demandons aux gens de faire des projets, eh bien, il n'y aurait, à l'issue de ces projets, il n'entraînerait, si vous voulez, aucune espèce de développement. Et c'est pourquoi nous devons inlassablement raisonner avec eux en termes de contrat et faire notre effort permanent pour mettre en place une vraie, une authentique, une sérieuse participation avec eux. Mais je voudrais dire tout de suite une deuxième chose. C'est que, comme l'a fait remarquer un intervenant précédent, si la question de la démocratie l'impératif de développement qui est le nôtre aujourd'hui doit prendre en compte la dimension interculturelle lorsque nous montons des projets avec les habitants dans des relations de proximité, c'est parce qu'à l'heure de la mondialisation, ce que nous appelons citoyenneté, eh bien, désormais, doit s'inscrire dans une décentralisation qui intègre un authentique diagnostic partagé à l'échelon du local, faute de quoi ce que nous appelons lien social, et qui n'est rien d'autre, en définitive, que la vieille question de la participation, ne se réaliserait sous la forme d'aucun contrat, c'est-à-dire ne prendrait pas en compte la question des acteurs eux-mêmes. Et alors, si nous parlons de solidarité, est-ce que ça n'est pas, en définitive, hein, c'est amusant, de partenariat que nous devons parler. C'est en quelque sorte le Jean-Claude Van Damme de la politique. C'est-à-dire un peu insaisissable, vous voyez. Ça sonnait creux, j'ai trouvé. Il ne dit rien sur rien, il n'en pense probablement pas plus. L'identité, c'est A égale A. Il y a au moins des A et des B. Et je n'ai pas envie que A égale B. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Et on est tous des enracinés. Et donc, parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. Je comprends rien. Moi, ma vie, mes souvenirs, ils sont faits des souvenirs d'enfance de ma grand-mère et de ce professeur de philosophie que je n'ai jamais vu, mais dont j'ai l'impression de connaître le visage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Vous avez envie de vivre dans une boîte, vous ? Moi, non. Et donc, notre vie est toujours en même temps. Elle est plus complexe que ce qu'on veut réduire. Tu dis quoi ? T'es défoncé ou quoi ? Constitue d'ailleurs l'esprit français. C'est une aspiration constante à l'universel, c'est-à-dire cette tension entre ce qui a été et la part d'identité qui est cette ipséité stricte et l'aspiration à un universel, c'est-à-dire à ce qui nous échappe. Thank you. Merci d'être avec nous sur Arte. Aujourd'hui, le dessous des cartes vous emmène dans un paysage et un pays en trompe-l'œil. Bienvenue à Acapulco, au Mexique, la perle du Pacifique à seulement 4 heures de route de Mexico. La plage la plus proche de la capitale mexicaine, on y croisait le tout Hollywood des années 1940 aux années 70. Elizabeth Taylor, John Wayne y avaient leurs habitudes. Mais méfiez-vous des apparences, car aujourd'hui Acapulco est considéré comme la ville la plus dangereuse du Mexique. Une ville où l'on ne se balade pas sans être sur ses gardes, où se pratique l'enlèvement express. Les victimes sont kidnappées jusqu'à ce qu'elles acceptent d'aller retirer avec leur carte de crédit des sommes qu'elles remettent aux ravisseurs. Et une ville où il ne fait pas bon non plus être arrêté par une police locale qui peut vous retenir pour des motifs hasardeux jusqu'à ce que vous lui remettiez de l'argent. Acapulco, qui est aussi un port stratégique pour les différents cartels de la drogue qui s'y livrent une bataille acharnée. Bref, une ville qui résume à elle toute seule notre destination de la semaine, murs, drogue et corruption. Voici le dessous des cartes du Mexique. Le Mexique est situé en Amérique du Nord, à la charnière de l'Amérique centrale. Il est bordé au nord par les États-Unis, vaste et puissant voisin, et au sud par le Guatemala et le Belize, deux petits États. Le Mexique est un pays quatre fois grand comme la France, avec 1,9 million de kilomètres carrés, ouvert à l'ouest sur l'océan Pacifique et à l'est sur le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes. Le Mexique compte 127 millions d'habitants, majoritairement hispanophones et catholiques, dont environ 15 millions d'Amérindiens, qui vivent dans les régions que vous voyez ici en violet. Ce sont aussi les régions les plus pauvres. La capitale, Mexico, 25 millions d'habitants, est aujourd'hui l'une des plus grandes mégapoles du monde et c'est un condensé de l'histoire mexicaine. Elle a en effet d'abord été nommée Tenochtitlan et a été capitale du prestigieux empire aztèque. À l'époque de la colonisation espagnole, elle devient la capitale de la vice-royauté de la Nouvelle-Espagne et puis, à partir de 1821, celle du Mexique, indépendant. Après l'échec de la révolution menée par Zapata et d'autres en 1910, l'élite politique et financière y installe fermement son pouvoir au détriment des paysans pauvres relégués dans les montagnes de la Sierra Madre. Retour en 2018. Aujourd'hui, le Mexique, 15e économie mondiale, est un pays émergent, une puissance économique en Amérique latine du fait de sa proximité avec les États-Unis, numéro 1 de l'économie mondiale. On va maintenant s'intéresser à leurs relations. La frontière entre les deux pays s'étend sur 3145 km du Pacifique au golfe du Mexique et longe en partie, regardez, le Rio Grande ou Rio Bravo, comme disent les Mexicains. Déjà largement clôturée, cette frontière est l'une des plus dynamiques de la planète, avec des flux légaux et illégaux de marchandises et de personnes dans les deux sens. Cette frontière est traversée par les migrants, les touristes, les transporteurs et les travailleurs transfrontaliers, mais aussi par les clandestins et les trafiquants de drogue. Tijuana est ainsi le poste frontière le plus fréquenté au monde. Les émigrés mexicains envoient eux près de 30 milliards de dollars par an de remessas à leur famille. C'est la première source de devises du pays. De part et d'autre de cette frontière, regardez, des villes jumelles ont grandi depuis les années 1960. L'installation d'usines d'assemblage, les maquiladoras en espagnol, a en effet favorisé le développement industriel du nord du pays. Côté américain, les entreprises donneuses d'ordre dans les secteurs de l'automobile, du textile, de l'électronique. Côté mexicain, les sous-traitants qui assemblent les pièces grâce à une main-d'œuvre au moins trois fois moins chère, puis réexportent aux États-Unis. Partie de la frontière nord, l'industrie s'est aujourd'hui développée dans tout le pays, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Le Mexique est également une destination touristique très prisée des Américains, notamment à Cancun et sa région, au bout de la péninsule du Yucatan, mondialement réputée pour ses plages et ses extraordinaires sites mayas. Le tourisme rapporte plus de 20 milliards de dollars par an au Mexique, c'est le troisième secteur économique du pays. Cette partie méridionale du Mexique est également riche d'importantes réserves de pétrole dans le golfe de Campeche. Mais ce développement économique n'a pas permis de réduire de très fortes inégalités, vous le voyez sur cette carte de la richesse produite par habitant. Le Mexique, qui est pourtant membre du G20, compte 53 millions de pauvres, soit 43% de sa population. Une main-d'œuvre corvéable à merci pour les mafias de la drogue. Car c'est ce qu'on va voir maintenant, et on l'a dit en introduction, le Mexique, c'est un acteur majeur du marché de la drogue, le principal fournisseur de son voisin américain, grand consommateur de psychotropes. Ces cartels de la drogue sont de véritables entreprises financières et militaires, organisées autour d'un chef, le Capo, et qui achètent leurs armes aux États-Unis. Regardez, voici maintenant les régions où les paysans mexicains cultivent le cannabis, des zones de montagne enclavées et délaissées. On distingue le triangle d'or dont sont originaires les fondateurs des premiers cartels dans les années 70. À Badiraguato, dans l'état du Sinaloa, terre du célèbre Capo Guzman, 97% de la population travaille aujourd'hui directement ou indirectement pour les trafiquants, comme agriculteurs, transporteurs ou hommes de main. Les cartels contrôlent en effet toute la filière, de la production du cannabis à l'exportation vers les États-Unis. On estime qu'entre 7 à 10 000 tonnes de cannabis sont produites chaque année au Mexique. Dans ces mêmes régions déshéritées, la culture du pavot à opium s'est démultipliée. Transformée en héroïne, elle sera vendue dans les rues de Chicago, New York, Houston et Los Angeles. Et puis désormais, des laboratoires clandestins produisent ici des drogues de synthèse, amphétamines, méthamphétamines, anxiolytiques, toujours pour le marché américain. Les narcotrafiquants importent aussi ces nouvelles drogues d'Asie et surtout, le Mexique est la plaque tournante du trafic de cocaïne de Colombie vers les États-Unis. Les cartels mexicains ont en effet profité de l'affaiblissement de leurs homologues colombiens pour contrôler ce juteux marché. Une très bonne affaire. Vendu 1 500 $ en Colombie, le kilo de cocaïne est revendu 15 000 $ sur le Rio Grande et 97 000 $ dans les grandes villes américaines. Au total, le trafic de drogue rapporterait au moins 20 milliards $ par an aux empires mexicains de la drogue. C'est l'équivalent des revenus du secteur touristique. Alors comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à l'histoire politique du Mexique. L'État mexicain est depuis longtemps un État faible. En effet, le Parti révolutionnaire institutionnel, le PRI, qui a monopolisé le pouvoir au Mexique pendant 71 ans, avait mis en place un État autoritaire, très corrompu, une démocratie de façade qui s'est accommodée des cartels. Et quand ce vieux système du PRI s'est effondré, en 2000, avec l'arrivée de l'opposition de droite au pouvoir, l'emprise des cartels sur le pays s'est encore renforcée. L'argent de la drogue gangrène en profondeur tout le système. La police, l'armée, la justice, les fonctionnaires, les gouverneurs, les maires. Les barons de la drogue achètent des complicités à tous les niveaux. L'état de droit n'a plus aucune réalité. En 2006, le Parti révolutionnaire institutionnel revient au pouvoir lors d'une élection douteuse. Il se lance sans préparation et sans aucune mesure d'accompagnement pour les cultivateurs dans une guerre frontale contre les cartels avec 50 000 soldats déployés sur le territoire. Mais malgré l'aide de la Drug Enforcement Administration américaine et des financements de Washington pour moderniser l'armée, cette guerre sera un échec. Les arrestations spectaculaires de capos, comme celle ici du Capo Guzman, l'ex-boss du cartel de Sinaloa, on l'a vu, vont entraîner une spirale de violence meurtrière entre cartels. Alors nous allons voir maintenant, et c'est impressionnant, la carte de l'occupation du territoire mexicain par ces cartels à la mi-2018. Au nord-ouest, Tijuana, Juarez, Beltrán Leyva et l'historique Sinaloa. À l'est, le cartel du Golfe et son rejeton devenu son principal ennemi, Los Zetas, le plus barbare de tous, fondé par des forces d'élite de l'armée mexicaine chargées de la lutte contre la drogue. Au centre, le cartel de Jalisco Nueva Generación, aujourd'hui le plus puissant de tous, il a fait scission du cartel de Sinaloa et ne cesse de gagner du terrain au détriment de ses rivaux. En rouge, vous voyez les zones disputées par plusieurs groupes, et en gris, les quelques rares espaces épargnés par les trafiquants. Pour les Mexicains, c'est la descente aux enfers. Au fil des années, regardez, les assassinats se multiplient sur tout le territoire. En une douzaine d'années, 200 000 personnes sont mortes et au moins 30 000 ont disparu, dans ce conflit inégal entre mafieux et simples citoyens. Les forces de l'ordre censées protéger la population sont aujourd'hui les complices des narcos. Résultat,

un pastis pour les hommes, aux dames un quinquennat. Il rêve de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en avare, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête ? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau, pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote, tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Bon, donc pour la première fois, j'ai un invité dans ma cuisine. C'est mon président en plus, et qui tenait absolument en passant par Amiens pour le meeting ce soir des européennes. Il ne va pas visiter la cathédrale, il ne va pas visiter les européennes, mais il voulait voir ma cuisine. C'est la cuisine la plus célèbre de France, d'après ce que je sais. Non, mais en fait, on avait prévu de sortir, il voulait qu'on aille, puis il y a Manon aussi qui est là, Manon Aubry. Mais moi, le problème, c'est que j'ai attrapé la crève en remontant du dernier meeting, j'ai attrapé un chaud-froid, et j'ai passé la journée d'hier enfermé à les regarder à la télévision, pour voir comment ils s'en sortaient avec Édouard Philippe. Et puis, aujourd'hui, j'ai dit aux copains, moi, je fais tout ce qu'on veut, sauf que je reste au chaud. Et donc j'ai rallumé le chauffage, en plus. J'avais éteint. J'étais tombé à 16 degrés et j'ai rallumé le chauffage spécialement. Et alors là, on est à la température qui me convient, 25 degrés. T'as mis en route le grille-pain et ouvert le micro-ondes pendant que tu y es. Donc voilà, c'est le duel qu'attendent tous les journalistes politiques. C'est Booba contre Caris, tu vois. Bon, non, mais qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va faire un petit côté apostrophe, hein, avec façon Bernard Pivot. Quand je suis arrivé en réunion de groupe... Ça, c'est ancien, ça. Ah ouais, mais tu vois, on a... T'as des lettres. Tu vois, on peut passer de Booba à Pivot, c'est pas mal, quand même. Ouais. Moi, je t'ai prévu, je me suis demandé qu'est-ce que j'allais te faire comme cadeau aujourd'hui, pour ta bienvenue. Alors, j'avais hésité, on avait parlé de la Jacquerie, tu vois, qui est un épisode de l'histoire de France qui, qui moi, me meut, parce qu'elle se déroule en Picardie, notamment, quoi, en 1356, il me semble. Et donc, mais en même temps, si tu veux, ce bouquin-là, je peux pas le racheter. Il me coûterait 55 euros sur le Bon Coin, ou je sais pas trop, donc je le garde. Si tu veux, je t'en donne 60 euros. Bon, 56 euros. Maintenant, après, j'avais pensé à... Non, mais tu me le prêteras. Attends, après, je t'explique pourquoi ce bouquin-là et quelques autres. Parce que le problème... C'est meilleur sur la Jacquerie. Les Jacqueries, le problème, c'est que c'est toujours les importants qui ont écrit l'histoire. C'est pas les vaincus. Et les paysans n'écrivent pas, en plus. Donc, ils ont même pas le recours d'avoir leurs propres auteurs. Et ces mouvements paysans qui ont été si puissants... sont pas si bien connus que ça. Et pour nous, c'est très important, en tout cas pour moi, qui théorise sur la révolution citoyenne, je pense que toutes les révolutions du passé ont eu un contenu de révolution citoyenne. Donc je relis l'histoire avec un autre regard, et en particulier, je suis plus sur l'ancienne thèse de la révolution socialiste. Alors, t'avais les avant, celle de 1917, c'était des brouillons, et puis après, ça peut être que des répétitions. Je suis sur un autre regard sur l'histoire, et donc je suis en train de revisiter ça. Donc si tu me le prêtes, je serai content, parce que tu m'as... Je prête, mais il faut qu'il revienne. Oui, on peut promettre, hein, tu sais. Il y a un truc qui m'intéresse, qui m'a particulièrement marqué dans cette histoire-là, par exemple, c'est en 1354, il y a la bataille de Poitiers. Les aristocrates se prennent une déculottée. Le roi est pris, il est emmené en Angleterre, et il va y avoir une rançon qui va être réclamée. Ça doit être ça, je ne sais plus trop. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que les soldats ordinaires, qui sont des paysans, ils assistent à la déculottée des aristocrates. Et en fait, c'est un choc psychologique pour eux, parce qu'ils les voyaient comme des espèces de surhommes, et paf, non seulement ils redescendent sur terre, mais en plus, ils sont en train de fuir, et ils protègent même pas leur roi. Et donc ensuite, quand ils vont revenir chacun dans leur village, ces paysans, et que les aristocrates, les seigneurs, vont leur demander de venir reconstruire le château et protéger le château, et vont leur donner des armes, pour protéger le château contre les brigands, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner ses armes contre les seigneurs qui, finalement, ils ont vu déchoir et qui sont plus à même de les diriger. Et il y a comme une espèce de choc psychologique avant le choc politique. Alors ensuite, il y a eu la possibilité... Comment il s'appelle? Étienne Marcel. Il y a eu un moment... J'étais en train de me demander... Étienne Marcel, c'est Charles V à ce moment-là qui est le roi. Vas-y, continue. Ouais. Et donc, il y a un moment, le Creuset, c'est vraiment la Picardie. Tu sais que je suis pour la grande Picardie socialiste, hein, pour la Picardie Independenza. Mais le Creuset est vraiment la Picardie. Et à un moment, le héros, le leader, qui s'appelle, il me semble, Guillaume Calle, il envisage une alliance entre le peuple des campagnes et... le peuple des villes représenté par Étienne Marcel, qui va pas se faire. Et du coup, ils vont se faire complètement écraser. Ça va être des milliers de morts. C'est comme la Commune, hein. C'est 20 000 morts. C'est des massacres dans tous les sens. Et évidemment, il y a eu des dommages qui ont été causés par la Jacquerie elle-même. Mais c'est sans comparaison avec la punition que vont subir les pays. C'est ça que je cherchais dans mon... Je voulais être bien sûr de cette affaire. Quand le roi est pris, il faut payer la rançon. Son successeur, ça va être, si je me trompe pas, Charles V, qu'on appelle le roi des livres. Et alors, il y a un moment magique de l'histoire de France, c'est que, comme tu dis, les élites sont discréditées, et à Paris, il y a une révolution urbaine. Et comme toujours, comme toutes les révolutions françaises, ça part sur l'impôt. Et les gens de Paris, surtout la classe qui paye, hein, veut rectifier... le roi, mais pas le roi parce qu'il est bon, mais ses conseillers sont mauvais. Donc il rentre dans la chambre du roi et il y a une scène... Un tableau magnifique. Ouais, et ils vont tabasser tous les grands qui sont là, pas le roi, et le roi, ils lui mettent le bonnet sur la tête. C'est le bonnet des Parisiens. Et cette scène, elle a été prise comme prototypique parce que Louis XVI a vécu la même chose au Louvre. Quand le Louvre est envahi, c'est Lafayette qui lui met la cocarde et qui lui dit... Comme cette fois-là, Monseigneur, vous êtes sauf. Alors, donc, ce qui est intéressant dans la révolte d'Étienne Marcel, c'est là tu mets le doigt sur une chose essentielle de notre histoire. Moi, je la vois côté ville, hein. Toi, tu la vois côté champ. Je suis heureux de cette rencontre parce que, et de ce petit débat qu'on va reprendre dès qu'on sera à l'abri tous les deux, parce que ça fait partie de mes énigmes. On voit le processus de transcroissance de la Révolution. Au début, les gens viennent pour rectifier les mauvais conseillers du roi. Ils écrivent à tout le royaume, donc ils mettent en ébullition toutes les villes, tu vois, qui sont des espèces de ronds-points au milieu des campagnes, les villes à cette époque, et l'insurrection va partir. Mais, catastrophe pour eux, les gens ne savent pas se tenir à leur place. Les bourgeois se sont opposés aux seigneurs féodaux, et puis voilà que les maîtrises s'opposent aux bourgeois. Et donc les ouvriers des grandes corporations se mobilisent eux-mêmes. Ah, déjà, ça commençait à sentir le gaz pour les bourgeois des villes qui trouvaient que c'était quand même beaucoup. Et là-dessus se mettent en mouvement les paysans. Alors là, plus question. Pour eux, le paysan, c'est les barbares, c'est des gilets jaunes, ils cassent tout, ils brûlent tout, enfin ils ont cette réputation, et ils vont tous se mettre d'accord contre eux. Et on a une espèce de réplique de cette mépris du peuple, de cette peur haineuse du peuple qui prend les élites, c'est ce qu'on vient de vivre là de nos jours. Alors les gens vont me dire, ces deux-là, ils sont dingues d'aller chercher en 1300 et des choses. Mais l'histoire populaire répète cette figure. Les élites n'en sont pas vraiment. Ce sont juste des gens cupides, égoïstes, qui profitent d'une position sociale. Et le pauvre peuple, dans sa fraction la plus déshéritée, souvent est le vaincu, mais c'est lui qui a changé les choses. Parce qu'après tout ça, ils ont dû changer aussi le régime monarchique. Ils ont dû le changer aussi. Ça me fait penser à plusieurs trucs. D'abord, l'importance de faire peser le discrédit sur les élites. Oui. Parce que la discréditer aujourd'hui, c'est permettre une révolte demain. J'en suis vraiment convaincu. Ensuite, tu sais, au début du mouvement des Gilets jaunes, j'appelais ça, moi, une jacquerie fiscale. Et pour moi, le terme jacquerie a rien, il n'y a aucune connotation négative. Alors, sauf que la jacquerie apparaît comme étant souvent quelque chose de perdant. Oui, mais à ce compte-là, tu sais, le nombre de fois où on a perdu, la Commune de Paris... quand même 32 000 fusillés en une semaine, hein, ça les dérange pas de venir pleurer sur les 4 000 morts de la terreur révolutionnaire jacobine, mais les 32 000 de la Commune, ils peuvent crever dans le silence. Hein. Et ensuite, tu sais, quand tu parles de l'alliance du peuple des villes et du peuple des campagnes, moi, la Révolution française, si tu regardes, pour moi, il y a deux types d'alliances, avec des frictions, hein. Quand on parle d'alliance, c'est pas des embrassades et des grandes épousailles, quoi. Les embrassades, t'aimes pas, toi. Non, ben ouais, je suis comme ça. Bon. Non, mais là, on est en train d'éclaircir pour ceux qui nous regardent un mystère médiatique qu'on leur doit une explication. Ouais. On était en train d'aller manifester et je m'avance vers lui, tout content de le voir. Il avait vachement bien réussi son coup, tout ça. C'était magnifique ce qu'il avait mis en mouvement. Je lui ouvre les bras et je le chope. Et alors à ce moment-là, il fait une mine horrifiée. Pas à cause de moi, les journalistes ont dit, c'est parce qu'ils peuvent pas se blairer, parce qu'il a horreur qu'on l'embrasse. Je ne suis pas un méridional, bon. Ça c'est clair qu'à Marseille, si tu n'embrasses pas les gens, ça va pas le faire. Hein. Bon, et donc... T'as pas l'intention d'être élu à Marseille? Non, vraiment pas. Et donc la Révolution française, moi je le lis comme une alliance avec friction et tout ça, entre la classe intermédiaire, les bourgeois éduqués, qui sont les représentants du tiers-état à l'Assemblée nationale, avec des avocats et ainsi de suite, avec les classes populaires, mais avec les classes populaires, t'as les classes populaires des villes qui font le 14 juillet, et t'as les classes populaires des campagnes qui font la grande peur. Et c'est tout ça. Alors, là, j'ai lu, je sais pas si t'as lu le 14 juillet d'Éric Vuillard. Tu as lu ça? Mais alors, je l'ai rencontré là. Et ce qui est quand même frappant, j'ai voulu le voir lundi, mais il était malade comme moi. Bon. À un moment, il fait la liste de tous les hommes qui ont participé, ce sont essentiellement des hommes, il y a quelques femmes, et qui ont participé à la prise de la Bastille. Et en fait, ce qui est frappant dans cette liste, c'est combien ils ne sont pas de Paris. Combien, au fond, ce sont des hommes des provinces qui sont des immigrés. Ce sont les immigrés dans Paris qui font la prise de la Bastille. Des gens de Bourgogne, des Auvergnats, des Picards, des Bretons, et ainsi de suite. Et ce sont eux qui font la prise de la Bastille. Ce qui tempère mon truc sur le peuple des villes et le peuple des campagnes, parce que au fond, je me demande si c'est pas le même peuple qui se trouvait à ce moment-là au pied de la Bastille et faisant la grande peur des gens. Oui, enfin bon, peut-être parce que ça t'arrange, parce que dans les assaillants de la Bastille, non mais je veux pas te dire le contraire, hein, là où tu as raison, c'est que c'est le pauvre peuple. Y a des femmes, c'est d'ailleurs elles qui mènent la troupe à l'assaut, parce que souvent dans les bouquins on lit « Ah ben c'est pas juste, ils étaient autour, il y avait que 7 vieillards dedans et puis quelques gardes, tu parles Charles, a tiré un coup de canon dessus, il a tué 90 personnes, le marquis de Launay. » Alors après il s'étonne que les gens, quand ils l'ont chopé, ils lui ont fait un mauvais sort. Ben non, c'est le contraire qui aurait été étonnant. Mais dans la liste... Ceci dit, même Babeuf, quand il a vu la tête de Delaunay sur la pique, oui, il en a eu un mouvement d'émotion et de compassion. Ah ben, ça pouvait réjouir personne, un spectacle pareil. On est bien d'accord. Mais dans l'assaut de la Bastille, on est un peu parti sur n'importe quoi, mais c'est pas grave. On parle de la combinaison des peuples et quels sont les segments du peuple qui rentrent dans la Révolution. Il y a un moment qui est curieux, c'est que il y a beaucoup d'ouvriers, il y a trop d'ouvriers. C'est pas normal. Dans la liste qui a été établie, et Jaurès, tu t'en vas aussi peut-être dire un mot dans un instant, Jaurès dit, il y a quand même beaucoup d'ouvriers dans cet assaut. Oui, ce sont les ouvriers de la papeterie. La papeterie Veillon, je crois, qui fait du papier peint, tu vois, pour mettre sur les murs. En février de l'année 89, ils s'étaient foutus en grève pour avoir une augmentation de salaire. Parce que les patrons avaient décidé de baisser les salaires et il y avait des pauvres gars qui prenaient le boulot. Alors il y avait eu une grève et les patrons avaient dit « Nous, on n'en a rien à foutre de vous et de votre grève. Si vous n'êtes pas contents, allez-vous-en, on prend ceux qui acceptent la paye qu'on leur donne. » Et le roi a envoyé et il y a eu 60 morts parce qu'on a tiré sur la foule. Et on retrouve évidemment les ouvriers de la papeterie, c'est eux qui foutent le bronc ce jour-là. Il n'y aurait pas eu d'assaut contre la Bastille s'il n'y avait pas eu ce noyau-là de gens qui a attaqué. Mais le vrai moment déclencheur, je termine là-dessus, je ne vais pas te saouler, hein, c'est les femmes. Parce que jusque-là, ça patine, tu vois, bon, les états généraux ont été convoqués, il y a eu la Seine, il y a eu tout ça, bon, on connaît. Mais le moment qui est le moment qui fait tout basculer, c'est les femmes qui vont en manif à Versailles chercher le roi, la reine et compagnie. Voilà, c'est la clé. Oui, mais tu vois, dans notre histoire de la Révolution, souvent on oublie cet épisode. Ah non, mais non, c'est un épisode clé. Mais tu sais, alors... Et là, c'est les femmes du peuple. Là, hein. Ils ont voulu les juger après, tu vois, des pauvresses qui ont 16, 18 ans, les bras chargés de gosses. Ils ont arrêté le procès parce que ça tournait à la mascarade, tu vois. Alors, je vais passer à, comme ça, mais... Comment on est mieux à parler de ça? On parlait de révolution populaire. On s'en fout, non? Non, on s'en fout pas, on apprend quelque chose. C'est le principe de nos discussions du mardi matin, que là, on reproduit de manière relativement spontanée. Tu vois, aujourd'hui, pour moi, Paris est devenu un verrou contre-révolutionnaire. C'est-à-dire que, de la même manière que les femmes sont allées chercher le roi à Versailles et l'ont ramené à Paris pour le ramener dans le peuple, alors qu'il était... entouré par sa cour et donc protégé par ce microcosme, aujourd'hui, on a un nouveau prince qui est lui-même protégé par Paris. Tu regardes les sondages sur les Gilets jaunes, ils sont à Paris, sont anti-gilets jaunes à fond, alors que le reste de la France y est plutôt favorable. Tu regardes les votes Macron, à Paris, ils votent Macron à fond, alors que le reste de la France y est plutôt favorable, défavorable, plutôt, même très défavorable. Tu regardes, on a affaire à un Paris surdiplômé, qui est plus payé, et qui est plus de cadre, tu vois. Et donc, ils forment comme une gang protectrice autour de Macron. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, puisqu'on est pour la décentralisation, il y a une nécessité de décentraliser l'Élysée. L'Élysée, de la même manière que les femmes sont allées chercher Louis XVI à Versailles, il faut aujourd'hui aller chercher le président, et quel qu'il soit, et le sortir de Paris. Parce que Paris forme comme une gang protectrice autour de lui. Et évidemment, c'est un gros problème pour nous, si on veut avoir une perspective révolutionnaire ou bien de transformation réelle, que ce verrou parisien, qui est évidemment le cœur des institutions, et qui ne veut pas bouger, qui ne veut pas bouger alors que le reste du pays veut bien davantage bouger, quoi. Écoute, bon, moi comme militant, évidemment, quand tu dis Paris comme une barrière de la cour, je pense aux Parisiens qui n'en sont pas. Bon, donc pardon, je dis ça pour mes copains qui militent à Paris, je peux pas leur expliquer que c'est cause perdue, au contraire. Tu vois, par exemple, regarde ce que fait Daniel Simonet. Ils ont d'autant plus de mérite, ouais. et d'autant plus de nécessité. Moi, je dis aujourd'hui à un manifestant clair que si on enlevait tous ces centres de décision qui se trouvent là, déjà Paris redeviendrait vivable. Parce que Paris n'est plus occupable que par des gens qui ont beaucoup d'argent ou qui finissent par en avoir beaucoup. Tu sais, t'achètes un cagibi à Paris et en 10 ans, tu peux commencer à acheter ton appartement. Moi, je fais partie de ces gens-là. Hein. 350% d'augmentation des prix de l'immobilier, tu t'imagines ce que c'est ? C'est un enrichissement sans cause. Dans ma rue, il n'y a rien qu'à changer. Hein. Et chez moi, à part la peinture que j'ai fait dedans, rien d'autre, hein, l'immeuble n'a pas bougé. Donc c'est intéressant ce que tu dis, parce que ça nous ramène à la composition sociale des villes et des structures du pouvoir. Et là, je suis plutôt tenté de te dire que c'est toi qui as raison. Et on est obligé de voir, mais c'est un point qui va être intéressant, tu sais, aux prochaines municipales. C'est-à-dire que les structures du capitalisme se sont projetées sur le sol. Et l'organisation spatiale de la ville, qui détermine l'accès aux services, hiérarchise les populations. Pourquoi c'est important sur le plan théorique pour moi ? Parce que tu sais que moi j'ai donné une définition matérialiste du peuple. Je suis pas d'accord avec ceux qui disent le peuple en général, tu vois, eux, nous, non. Le peuple, c'est la masse de ceux qui, pour produire leur existence, ont besoin d'accéder aux services collectifs. Or, les services collectifs, plus t'es proche d'eux, par exemple, si tu veux acheter quelque chose, il est marqué « proche de toute commodité », le prix monte. Tu mets à 20 bornes de la gare, à 10 bornes de l'école, à 50 bornes de l'hôpital, salut, tu divises le prix par 3. Donc on voit que l'organisation spatiale reflète l'organisation capitaliste du pays. Donc t'as pas tort. Et bon, mais en même temps, c'est le centre du pouvoir. Où veux-tu qu'on appelle à agir ailleurs qu'à Paris ? Ah non, mais je dis pas qu'il faut pas, faut agir là-bas, mais je pense que l'idée de prendre Macron et de le mettre au puits envolé, ça lui donne une autre température du pays. Alors comment on fait la suite ? Maintenant, moi je voulais parler du bouquin que tu m'as offert. Alors oui, vas-y. Bon alors. Ah, moi j'ai un bouquin à t'offrir du coup. Ah oui, toi tu m'as sorti. Alors je t'offre pas ça. Je t'offre pas Gracchus Babeuf non plus. Ouais, vas-y, on peut y aller. Tu sais comment Gracchus Babeuf, il s'est mis à être pour le communisme ? À remettre en cause la propriété. Il était terrier, c'est ça ? Il établissait le cadastre. Il était feudiste. Comment ? Spécialiste du droit féodal. Oui. Et il était payé par les aristocrates pour montrer que les terres, elles leur appartenaient. Et lui, il allait fouiller. Ça ne s'appelait pas commissaire terrier ou un truc. Ah, moi, je croyais que c'était feudiste. Pour les deux. C'est la même chose. Il établissait les droits de. Voilà. Et donc, en fouillant dans les papiers, où il devait rendre service au seigneur. Il fouillait dans les papiers et au fond du fond, il voyait toujours qu'il y avait une appropriation, un vol d'un bien commun par l'ancêtre du seigneur, quoi. Et donc, il pointait ça du doigt et donc c'est ça qui lui a fait remettre en cause la propriété privée. Non, attends, on va pas laisser Gracchus Babeuf comme ça sortir de notre conversation. Moi, j'ai pas tout de suite compris Babeuf, tu vois, quand j'étais militant. Parce que comme j'étais jacobin... Il a eu un premier réflexe anti-robespierriste. Alors Babeuf s'est trompé, il n'est pas le seul, hein, parce que, je veux dire, dans cette affaire, il s'est trompé, mais il s'est contenté de se tromper. Il a rectifié après. Et de quelle manière grandiose, quoi. Babeuf est grand parce que c'est lui qui va aller au fond de l'affaire, bien plus que Robespierre, Saint-Just et les autres, ou même les enragés, parce que quand j'étais jeune homme, moi j'étais très favorable aux enragés. Ah, moi pas, jamais. Ah bon? Non. T'es jamais. Pas enragé, toi? Non, je crois pas, non. Pourquoi? Je sais pas, bah, les hébertistes, oui. Tu vois, oh non, non, non. C'est, ah bon, c'est de la guignolade. Hein. Tu trouves, toi? Enfin, mais ils étaient pour le salaire maximum. Oui, on pouvait avoir des très bons points de vue, mais c'est comment? Moi, la question, tu vois. Enfin, moi, j'ai changé d'avis après, parce que j'étais convaincu par des gars comme toi et d'autres qui étaient robespierristes. Tu vois, c'est la question pour moi, c'est toujours quand t'es une minorité agissante. Et on l'est, y compris maintenant, tu vois. C'est comment tu fais pour être une locomotive qui raccroche des wagons derrière et qui part pas tout seul devant en étant des kilomètres à l'avant-garde. Les enragés, c'est typiquement des gens qui regardent pas s'ils ont des wagons derrière, ni à Paris, ni même en France. Ma sympathie leur était acquise, j'avais 13 ans, tu vois. Ils passaient 13-14 ans, ils passaient une série à la télé qui existe toujours, hein, qu'on peut aller voir, qui s'appelait La caméra explore le temps, et moi je trouvais admirable ces types qui voulaient que la nourriture soit pour tout le monde, et je voyais Robespierre avec sa perruque sur la tête, tout ça, bon, on comprenait pas bien ce qu'il disait. Évidemment qu'avec le temps après, il y a ce que tu dis, puis il y a surtout que Robespierre, tout le temps, d'abord il a un truc que personne n'a jamais fait. Nous on regarde, c'est facile. Mais lui, non, tous les matins, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comme un gars qui mène une grève ou une fille qui mène une lutte, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde vient, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'en sais rien, je réfléchis, attendez, laissez-moi réfléchir. Je voudrais dire un truc, parce que tu sais, quand on défend Robespierre, on apparaît comme étant des extrémistes aujourd'hui, des coupeurs de tête. Là, t'as amené un bouquin, une biographie de Jaurès. Moi, j'ai lu de Jaurès l'histoire socialiste de la Révolution française, donc en 7 volumes, boum. Je veux dire, aux éditions sociales. Voilà. Ouais. Alors, elle aurait été remarquée, faut pas les mettre à la lumière, ça pâlit tout de suite. Je les avais empruntés à la bibliothèque. Maintenant, ils ont été réédités. Mais, Jaurès, donc, qui apparaît comme maintenant un modéré, quand même, qui est revendiqué par tout le monde, y compris par Sarkozy. Oui. Bon, je pense que Macron n'aurait aucun doute à ce sujet. Il ne sait pas qui c'est, donc il raconte quoi. Jaurès fait sien toute la Révolution française. Ouais. Donc, Mirabeau, on peut en parler parce qu'on a un désaccord sur Mirabeau. Il fait sien Marat, il fait sien Danton, il fait sien Gracchus Babeuf. Et il fait sien, mais même, il fait de Robespierre le balancier de la Révolution française. Ouais. Et il lui dit, moi, dans la Révolution française, il y a cette phrase, je vais m'asseoir à côté de Robespierre. Et notamment sur ce passage, qui est quand même le passage clé pour moi de la Révolution française, qui est le moment où est-ce qu'on doit faire la guerre ou pas aux puissances étrangères. Et où les Girondins, notamment, Brissot et compagnie, poussent à la guerre. C'est la droite. Hein. Et à partir du moment où on pousse à la guerre, on empêche que la démocratie se déroule normalement. Parce que la France se retrouve en conflit armé avec toutes les puissances alentour, l'Angleterre, la Prusse, la Russie, enfin, tous azimuts, c'est la guerre. Et dans ce contexte-là, il est évident que le processus démocratique, c'est le général qui recule est un traître. Ça va se doubler en plus d'une guerre intérieure ensuite. Oui. Mais voilà. Donc je pense, c'est juste pour signaler que quand on défend Robespierre aujourd'hui, on passe pour un maximaliste, pour un suceur de sang. Oui. Mais Jaurès le fait pleinement sien dans son histoire. Quoi. Et d'ailleurs, quand tu regardes le déroulement des événements, tu le vois rarement courir devant. Et on le voit toujours essayer de... Par exemple, il n'est pas dans les premiers républicains, parce qu'il pense qu'il faut faire très attention à la façon de dégager Louis XVI. Mais il n'est même pas favorable forcément à dégager Louis XVI. Au début, non. Il est favorable parce que le cours des événements montre que... On ne peut plus faire autrement. Que Louis XVI trahit, et ainsi de suite. Mais même, je crois qu'il a ce mot balancier, tu vois. Et c'est vraiment un espèce de balancier de où se situe, où est-ce qu'on peut aller pour continuer à avancer. Moi, je suis devenu plus sensible à la parole de Robespierre quand j'ai compris... étant devenu adulte et dirigeant politique, quel était le problème auquel il avait à faire face, qui n'était pas de réaliser une théorie que personne n'avait à l'époque. Lui, la seule théorie qu'il avait, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Mirabeau dit de lui, on ne peut pas parler avec lui, il croit à ce qu'il raconte. C'est dire qui était Mirabeau. Non, je ne suis pas d'accord. Mirabeau, écoute, un gars qui se fait élire par Aix et Marseille et qui choisit Aix, ça c'est pas possible. Change de sujet. François. Parce que, y compris, tu dis quelqu'un qui n'arrive pas avec une théorie. Je pense que le seul qui arrive avec une théorie en 89, il y a Mirabeau. Mais sa théorie, elle est la monarchie parlementaire. Oui. C'est ça son objectif. Oui. Et c'est ça qu'il va viser. Oui. Et ceci dit, il faut voir qu'avec C'est limite à Mirabeau, mais oui, il est celui qui ouvre le bal, quoi, qui va porter le premier assaut. Attends, on va pas se fâcher parce que Clémenceau a tout dit sur le sujet. La révolution, c'est un tout. Tu comprends ce que je veux dire. Si on doit commencer à trier les personnages, alors là, on est encore demain. Et moi, je suis pas sûr que je trierai toujours de la même manière. C'est un tout. Bien sûr que Mirabeau. Et puis il y a des moments, si tu veux, où il faut le faire. Peut-être qu'on va parler de, on va parler tout à l'heure de notre ami. Drouet, bon, il y a des moments où il faut savoir faire ce qu'il y a à faire. Arrive le marquis de Drebrézé qui leur dit, bon, allez, tout le monde rentre à la maison, le roi vous a assez vu. Et l'autre, il s'avance et il dit, nous sommes ici par la volonté du peuple, sortirons par la force des baïonnettes. En une phrase, l'ordre ancien est renversé. Voilà. Ça, c'est clair. Et il ouvre la brèche. Tout à fait. Tout à fait. Alors, donc moi, je dis des trucs sur Mirabeau, parce qu'on a quand même retrouvé qu'il était payé par la cour, ce qui est quand même, moi, bon. Mais je suis sûr que, bon, voilà, c'est en tout, quoi, comme on a dit, hein. Voilà. Bon, on va arrêter là, parce que sur ce sujet, parce que sinon, on est parti pour jusqu'à la nuit. Enfin, je veux quand même dire, hein, j'ai un motif d'orgueil, moi, à propos de Robespierre. Comme je viens de te l'expliquer, je suis donc un converti en route, quand je me suis devenu plus modéré, quoi. La première fois que on y était, toi, t'étais assis à côté de Rugy. Oui. Hein. Et moi, j'étais assis à côté de la Ménard, qui est l'extrême droite. On avait des places de choix. Et alors? Alors ça commence à discuter ce truc inepte, le bureau de l'Assemblée. Bon, il fallait quand même faire bonne figure. Alors, ils voulaient élire je sais pas quoi. Enfin bref, il y avait de quoi à ce que chaque groupe ait un vice-président. On n'avait qu'à supprimer les secrétaires, tout ça sert à rien. Bon, donc on pouvait avoir un vice-président. Et je me lève, je pense que je raconte avec j'avais mis cette veste. Et je commence à expliquer qu'il peut y avoir un... C'est pas l'intervention du siècle sur la Révolution française, tu vois. Et j'ai à peine commencé à ouvrir la bouche qu'il y a un mec qui gueule. Et comme tu le sais, comme toi, j'entends mal. Donc, vous pouvez me dire ce que vous voulez dans les assemblées. Comme je vous entends pas, je réagis pas. C'est bon, mon sang-froid total. Hein. Et après, je dis, mais il y en a un qui criait... C'est ce qui fait ta réputation, c'est ton sang. Oui, mais le problème, c'est que quand j'entends, qu'est-ce que tu veux, je suis pas habitué. Tu comprends? C'est nouveau pour moi. Alors je dis quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit, toi? Bon, alors, voilà. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et alors j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit, le type qui criait? Et on m'a dit, ah, revoilà Robespierre, on sait comment ça finit. Ma vie est accomplie, mon vieux François. J'ai été traité de Robespierre à l'Assemblée nationale. Et l'autre jour, il y en a un qui me fait pareil, mais celui-là, je l'ai entendu, il est issu de côté. Il crie, ouais, Robespierre, je sais pas quoi, il dit. Mon cher collègue, vous croyez m'insulter, vous pouvez pas me flatter. Donc Robespierre a gardé cette image d'un type implacable. Nous, qui sommes faits d'un bois plus tendre, nous sommes attentifs à ce qu'il est en réalité. Et en réalité, c'est un homme qui est dévoré par la tâche, qui sait pas s'il fait bien ou pas, qui prend tous les coups dans la gueule, puis les autres, comme ce qu'ils nous font à nous, tu vois, ils se foutent de sa gueule, ils trouvent des trucs salauds pour le faire souffrir. Ils ont inventé qu'il y avait une femme qui se disait la mère de Dieu, et qui le désignait comme un prophète, et lui, il est malheureux, reste chez lui, il s'enferme, il déprime. Il déprime, François, tu vois, à mort, donc on n'est pas les premiers, hein. Il disparaît, pendant 6 semaines, on le voit plus, quel dingue. Enfin bref, moi, j'aime cette faiblesse du personnage, parce que la tâche le dépasse, mais il la lâche pas un seul jour, tu vois. Il y a des moments, il en peut plus, il préfère se cacher, plutôt que de montrer sa souffrance, l'intensité de sa souffrance psychologique. Et ça nous rappelle que on fait les grandes choses avec des gens ordinaires, et que c'est les circonstances qui transforment. Habile transition pour parler de Drouet. Donc je rencontre un jour François Ruffin. On va pas avoir le temps de tout faire. Comment? Mais bien sûr que si qu'on va avoir le temps. Qu'est-ce que t'as amené, toi? Moi, vas-y. Non, c'est mon tour. Toi, t'as passé 2 bouquins. Moi, j'en ai pas encore passé un seul. Un jour, je rencontre François. Première réunion de groupe. Et on commence à discuter. Et il vient me voir et il m'amène ce livre. Un homme du peuple sous la Révolution. J'aime bien. Et ça parle de Drouet. Il me dit, tu sais qui est Drouet? Je me rappelais, oui, c'est le gars qui a arrêté Louis XVI à Varennes, c'est ça? Ce livre me permet d'abord de retrouver l'histoire, que je connaissais pas dans le détail, hein. Il est là à Sainte-Ménehould, il voit passer le carrosse, il dit, oh, ce type, je le connais, c'est le roi. Saute sur son cheval, prévient son pote, et travers bois, lève l'arrivée jusqu'à Varennes, où ce pauvre Louis XVI, hein, bien fait pour lui, à la première porte à laquelle il tape, tiens encore, voilà, l'élite, le mec, il est chevalier de Saint-Louis. D'accord? Il dit, qui c'est le roi? Ouais, c'est bon. Il referme la porte. Et donc, Louis XVI va à la maison suivante, et c'est celle de l'épicier Sauce. Ça s'invente pas un truc pareil, il s'appelle Sauce. Et Drouet monte le coup que tu sais. Mais c'est François qui m'a fait connaître tout le reste. Vas-y, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est le reste du destin. Ouais. C'est complètement rocambolesque. Et moi, ce sont des gars qui rient au départ. Voilà, qui sont pris par l'histoire et entraînés comme un fétu de paille. Et en même temps, il y a cette scène notamment où il est mis en prison dans une espèce de tour. Par les Prussiens. Hein, par les Prussiens. Parce qu'il doit être commissaire au peuple, commissaire à la guerre ou quelque chose comme ça. Et il est fait prisonnier et avec son drap, il décide de se construire un parachute et de sauter par la fenêtre. Enfin, c'est des trucs... Oui. C'est un aventurier, quoi. Ces types avaient un courage absolument inouï parce que lui, il est élu, hein, il est élu du peuple. Et tu sais que sa personne est sacrée, comme tous les élus, depuis 492, les tribuns du peuple. Je l'avais oublié, mais j'ai eu un rappel à l'automne. Non, mais ça, c'est ma bêtise, et je crois que tout le monde est au courant, tu vois. Les types, ils voient ce gars s'énerver. Et il dit, mais il est complètement fou, il dit que sa personne est sacrée. Mais pauvres amis, je vous prenais pour un tribun du peuple de la plèbe romaine. Et donc, Drouet, il l'envoie au front, comme beaucoup. Il l'envoie au front, et alors les types sont d'un courage incroyable, parce que faut imaginer ce que c'est. T'es dans le fond d'un trou, et tout d'un coup, il y en a un qui crie, ouais, à l'assaut, tout le monde sort, hein, de la tranchée. Mais celui qui sort le premier, c'est le commissaire du peuple. Et il a trois énormes plumes sur la tête. Bleu, blanc, rouge, tu vois. Donc pour l'équipe en face, tu t'imagines la cible. C'est comme ça d'ailleurs que Saint-Just force le respect de tout le monde parce qu'il est jeune, il a 23 ans, quoi. Drouet, pareil, c'est des hommes très jeunes, quoi. Pour être fou comme ça, faut être jeune. Et alors il sort, pouf, en courant, alors, et puis avec des slogans qu'ils inventent. Landau ou la mort, je sais pas quoi. Et voilà. Et ce que tu racontes après, c'est que les Autrichiens le chopent, ils sautent en parachute, ça n'existe pas à l'époque. Ils se cassent une jambe, ils le remettent en tôle. Enfin, il lui arrive toutes sortes de choses et à la fin, La République, quand même, qui est bonne fille, décide de le récupérer auprès de l'ennemi et il l'échange. Les gens, écoutez bien ça. Il l'échange contre la fille de Louis XVI. C'est grand quand même, non? Le gars était maître de poste au départ. Alors moi, je t'offre un bouquin de Gilles Candard et Vincent Duclerc, la bio de Jean Jaurès. Et tu vois, pareil, je peux te faire le récit, tu le connais aussi bien que moi. J'ai lu le Max Gallo, moi, sur Jaurès. Tu l'as lu? Ouais. Ah ouais. J'ai trouvé bon, hein. Oui. Moi, dans chaque campagne électorale, pour ça, celle-là, j'ai pas encore mon livre. J'en ai un, mais il me plaît pas. Dans chaque campagne électorale importante de ma vie, il y a eu un livre qui m'a sauté sur les genoux. Le grand Jaurès, ça s'appelle le bouquin de Max Gallo. Il m'a sauté sur les genoux quand j'ai été élu. J'ai fait campagne pour la première fois sur mon nom pour être conseiller général. Et j'avais inventé un truc de SOSDEM, tu sais, un mot d'ordre à la con, du genre « tous ensemble, respirons les bonnes fleurs » ou je sais pas quoi, leur truc, quoi, tu vois. Et puis, je tombe sur le grand Jaurès. Ah, je me dis, putain, la honte. Comment je peux continuer à raconter des salades pareilles? Alors, allez, il faut assumer. Paf, je fais une affiche toute rouge, j'avais la barbe, j'avais l'air d'un furieux. Et je l'étais, d'ailleurs. Et on met dessus, j'ai mis, je sais plus quoi, en avant la gauche, ou un truc comme ça, complètement un peu exagéré, quand même. Hein. Mais j'étais fier de moi, je me suis dit... J'ai pas lâché prise. Alors, le grand Jaurès de Max Gallo, dedans, il y a un tout petit chapitre qui raconte son voyage en Amérique latine. Pouf, le voilà parti là-bas. En cours de route, il y a les événements de Tanger. Une fois qu'il arrive là-bas, le bateau de son frère saute en rade de Toulon. On dit, ah, c'est pas étonnant, les Jaurès, bon. Et Jaurès fait des conférences. Et moi, j'ai eu l'honneur, le bonheur avec mon pote Corbière et Raquel Garrido. Je les associe parce que ils prétendent que c'est eux la vérité, c'est que c'est moi. Et eux, ils ont tout bien vérifié après. Comme toujours. Évidemment. On a trouvé les photos et les textes des conférences de Jaurès. Je te la fais super brève. Et regarde, Jaurès, il fait 9 conférences. Je retrouve 8. On les traduit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le texte en français. Et sur les photos, on voit qu'il y a des gens qui prennent des notes. Donc, la conférence a été mise en espagnol. On retraduit en français. On le publie en France, on a fait un petit bouquin. Là-dessus, incroyable, Chavez tombe dessus. Et il sait qu'on a trouvé des textes de Jaurès sur l'Amérique latine. Et Chavez, c'était incroyable, quoi. Il se met à la lire à la télévision. Allô, Presidente? Yes, ça durait des heures, hein. Il pouvait. D'ailleurs, quand tu t'amenais, tu avais une idée de la durée. Moi, j'ai fait qu'une fois une conférence de presse avec lui, j'ai eu chaud. Parce qu'on m'avait dit, s'ils mettent une bouteille d'eau et plus de 2 paquets de cacahuètes, c'est que ça va durer plus de 5 heures. Une fois, elle a fait 9 heures. Je sais pas comment on fait un truc pareil. Bref. Tu m'as déjà vu faire 9 heures? Non, mais je pense que ça te démange de relever la performance. Je sais pas comment on fait. Au-delà, ça m'est arrivé une fois de faire 2 heures et quart, mais après, on n'arrive plus à parler. Bon, je termine donc. Et Chavez m'a quand même fait un coup tordu. Il a refait traduire les textes de Jaurès, mais il a enlevé mon introduction et il a mis la sienne à la place. Donc, de là où il est, il ferait bien de se souvenir que je m'en rappelle. Hein? D'accord. À part ça, t'as pas de rancune. Non. J'ai des souvenirs, mon gars. Moi, c'est pas pareil. Moi, je t'offre la semaine sainte de Aragon, pour faire vite. À mon avis, c'est le meilleur bouquin pour moi. C'est pas sur ma région, mais qui traverse ma région. Tu sais, c'est le moment où Napoléon revient et il y a la fuite de Louis XVIII devant le retour de Napoléon, la semaine sainte où le roi s'enfuit, et c'est le parcours de Géricault, le peintre, qui à ce moment-là est royaliste, défend le roi et de droite, et qui, se paumant avec la cavalerie dans mon coin, se mettant dans Picardie, ouais, tu as rendez-vous à Poitiers, c'est le meilleur chapitre peut-être. Et Poitiers-Picardie, c'est juste à côté. Et donc se met à écouter le peuple, à écouter les gens, et il va basculer, et il va devenir un homme de gauche. Enfin, en tout cas, c'est la lecture qu'en fait Louis Aragon à travers ce voyage, qui est un voyage à travers la France, mais qui est presque un voyage intérieur politique de Géricault. Quoi. Je crois qu'il est pas lui, celui-là. Et donc le radeau de la Méduse et tout ça, les causes épousées par le peintre Géricault. Viennent. Je crois que je l'ai pas lu, mais c'est bien, c'est peut-être celui-là qu'il faut que je lise. Mais le début est un peu ardu. On ne sait pas trop où est-ce qu'on part. Ah ouais. Je sais pas. Il y a 60 pages, tu te demandes où est-ce que t'es. Mais après, ça décolle. Et notamment, t'as un truc qui s'appelle la nuit des arbrisseaux, où des gens qui arrivent de partout se mettent à parler. Tu vois, des épiciers, des artisans, de tout ça, se retrouvent la nuit. En faisant un petit feu dans une clairière, tu vois, ils se parlent les uns les autres, et ils disent, mais alors, Bonaparte, il faut le soutenir ou il faut pas le soutenir, et ils échangent comme ça, et on voit un mouvement révolutionnaire qui est en train de naître, les âmes qui s'aiguisent, et ces rencontres, moi, me font penser au rond-point de cet automne, quoi. Ouais, moi, c'est ça qui me fascine dans le film que t'as fait, parce que je finirai pas cette petite séquence sans dire toute mon admiration pour cette œuvre. C'est une œuvre, c'est pas. Il y a des gens qui croient que c'est un documentaire que t'as fait. C'est pas vrai. C'est un film. C'est-à-dire, ça parle, ça dit quelque chose. Dans la salle, des gens pleurent, des gens rient. C'est un moment d'éducation populaire. Tu ressors pas le même que quand t'es entré après avoir vu ton film. Et en plus, tu manies. J'ai déjà dit une fois. Moi, je trouve qu'il y a du Molière en toi, tu vois, mais du Molière de la politique, parce que tu manies la farce avec la gravité terrible, tu vois. Des choses qui font pleurer, quoi, en regardant. Il y a d'autres moments où on rigole, c'est pas normal. Hein. Maintenant, on s'est baladé dans le passé, là, de la Grande Jacquerie à la Révolution française, ouais. Napoléon, Jaurès. 5 siècles, on a fait 1356 à 1789. Bon. 4. Maintenant, c'est cette histoire qu'il faut continuer. Dans la rue et dans les urnes. Bah, on est dans une révolution. C'est une révolution citoyenne. Beaucoup de gens s'en rendent pas compte parce que souvent, quand on a le nez dessus, on croit que c'est juste ce qui vient de se passer qui est important là dans les dernières 24 heures. Mais il y a une espèce d'embrasement, un effet d'embrasement qui a lieu. La suite des événements est incertaine. Mais la chance qu'on a, nous, c'est qu'on est là. Hein? On est là, on est une force. Des gens comme toi et moi qui se connaissaient pas, qui sont complètement différents dans leur manière d'être, leur histoire. Puis moi, je suis plus âgé que toi. Hein? Donc j'ai vu d'autres choses que toi. Il y a un monde qui n'existe pas dans ta tête, qui existe dans le mien. Toi, de ce point de vue, t'es plus facile d'entrer. Et nous, on a cette chance d'être ensemble. En plus, il y a Manon, c'est la génération qui est encore avant nous. Toi, t'es dans les 45, c'est ça. Moi, je vais vers 70. Et elle va vers 30. Et puis, il y a la génération qui est entre 20 et 30. Et tout ça, on a réussi à le réunir. Sans... comment dire, le mettre en uniforme. Chacun de nous est resté tel qu'il était. Ça, c'est une très grande... Je vais terminer là-dessus, alors, du coup. Mais oui, parce que... Mais ça, je l'ai mis lors de... Je te l'ai filé, et je l'ai filé à d'autres personnes du groupe, parce que j'aime bien arriver avec des cadeaux, lors de la première réunion de groupe. Et moi, j'y arrivais avec beaucoup de méfiance. Parce que d'abord, je te l'ai déjà dit, mais déjà, dans un couple, j'ai l'impression qu'il y a une personne en trop. Alors... Et vous entendez, vous jure que c'est vrai, il m'a dit, alors, un couple c'est déjà un collectif trop large pour moi. Alors dans un groupe, je me demandais que ça allait toi, et puis t'as quand même ta réputation, tu vois. Oh. Et, oh ouais, si, aussi, si, ouais. Mais donc je me disais, bon, je vais pas tenir. Et en fait, bon, t'as été assez habile, ou t'as été pour laisser marge manœuvre, une respiration qu'on puisse vivre à l'intérieur. Moi, je suis comme ça. Je ton talent, pardon, là, ça fait paternaliste que je vais te dire. Je le sens, comme je sens le talent des copains. Personne n'est là par hasard. C'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a eu des hasards de la vie, mais la personne, tu vois une copine comme Caroline Fiat qui est aide-soignante. Qui est la vraie femme du peuple de... Oui. Mais Caroline, il y a une puissance politique en elle, et c'était normal qu'elle passe là à ce moment-là. Et elle arrive à l'Assemblée, et immédiatement elle est à la hauteur du rôle. Donc personne n'est là par hasard. Et moi, ma fierté, mon orgueil, c'est de vous voir là, et de me dire, putain, j'ai fait tout ça, et au moins je suis arrivé à ça. Il y a un groupe. Et je suis sûr que la suite va continuer, et qu'elle est parmi vous. Plus ceux qu'on va élire ce coup-là, au Parlement européen, tu vas voir, hein, c'est pas détendre. Hein. Bon, les gens, je suis sûr que ça vous a beaucoup plu. Hein, c'était dans la cuisine de mon petit camarade François Ruffin. Alors, là, c'est Ruffin. Et si ça vous plaît, vous mettez des pouces bleus. Si vous découvrez ça par hasard et que ça vous plaît, vous vous abonnez parce que c'est gratuit et ça le restera toujours. Pas la chaîne de Ruffin, elle est payante. Non. Mais la nôtre, elle est gratuite. Hein, voilà. On compte sur vous. Merci à tout le monde. La cigarette sans cravate qu'on fume à l'aube démocrate. Et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre. Et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on empale comme un paquet vers les étoiles, qui tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale. Cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu, ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu, ni maître. Ni Dieu, ni maître. Merci Charlotte, génial. Merci. Petite revue de presse. Lettre envoyée à la demande d'Amnesty International, Remiremont, le 1er octobre 2018. Monsieur Yuri Yaroslavich Chaïka, prosecutor general office, Moscou, Fédération de Russie. Copie envoyée à la Chambre des avocats de la Fédération de Russie et à l'ambassade de la Fédération de Russie. Monsieur le procureur général, j'ai appris que le 9 novembre, monsieur Mikhail Benyash, avocat, a été arrêté, battu et placé en garde à vue par la police après avoir rencontré un client qui avait participé à une manifestation pacifique à Krasnodar, une ville du sud de la Russie. Il a été condamné à 15 jours de détention administrative le 11 septembre. Je vous demande de faire libérer Mikhail Benyash immédiatement et sans condition, car il est détenu uniquement en raison des activités qu'il mène en tant qu'avocat spécialisé dans les droits humains. Je vous appelle à diligenter une enquête approfondie, efficace et impartiale, sur les circonstances de son arrestation et sur ses allégations de violence policière, a veillé à ce que les responsables présumés de ces agissements soient traduits en justice dans le cadre de procès équitables. Enfin, je vous engage à faire en sorte que les avocats en Russie puissent s'acquitter de leurs fonctions professionnelles sans entrave, intimidation, harcèlement ni ingérence indue, conformément aux principes de base des Nations Unies relatifs au rôle du barreau. Veuillez agréer, Monsieur le Procureur Général, l'expression de mes salutations respectives. Signé Marie. Alors j'ai un autre, une autre information, pour appeler ça comme ça, venant du net. C'est une photo, une conférence à laquelle participaient ces messieurs, l'actuel président de la République française, Emmanuel Macron, et l'ancien, de ses prédécesseurs, Nicolas Sarkozy. Alors ils sont assis côte à côte, costard, cravate, etc. Emmanuel Macron a l'air d'être un petit peu, un petit sourire un peu farceur. Derrière, le garde du corps fait un peu la gueule. Et puis, à côté de lui, Nicolas Sarkozy fait une drôle de tronche aussi. Il est dubitatif. Il sait pas quelle attitude adopter. Hein. Et pourquoi donc? Eh bien, parce que Emmanuel Macron a posé sa main droite sur le genou gauche de Nicolas Sarkozy, qui a l'air de dire, toi, t'es en train de faire comme Kadhafi, il va t'arriver des trucs, il va t'arriver des bricoles, à moins que. Bon, sait-on jamais, avec ces gens-là, hein, sait-on jamais. Voilà. Bravo Manon Aubry, pour cette première, tu as réussi à te faire entendre et comprendre, à porter nos propositions, notre vision de l'Europe, une Europe pour et par les peuples. Il s'agit bien sûr du fameux grand débat qui a eu lieu à la télé dernièrement. Hein. Bon, où ils ont parlé chacun leur tour. Il y a eu quand même quelques minutes où ils parlaient à plusieurs en même temps. Hein. Ça, c'est plus fort qu'eux. Ils peuvent pas faire autrement. Mais la règle du jeu a été posée de telle manière que chacun devait parler à son tour. Voilà. Un bref sentiment sur les têtes de liste présentes de droite à gauche, histoire de commencer avec le pire et de terminer avec le meilleur. La meilleure. Raphaël Glucksmann est un piètre improvisateur. Évidemment, quand on arrive sans programme, cela se voit. Il était là pour faire de la lèche à Yannick Jadot et Benoît Hamon. Il aura le mérite d'avoir donné le coup de grâce au PS. Il faut que Claire Nouvian sorte de là et vite. François Asselineau a mal vieilli depuis les élections présidentielles. D'ailleurs, lui aussi est venu sans programme, si ce n'est le Frexit. Yannick Jadot est convaincu par ce qu'il dit, mais le coup du vote contre l'interdiction du glyphosate est conforme à la pratique de ELV depuis longtemps. Un beau discours, mais une fois en responsabilité, ce discours est oublié. Hein, qu'enfin, De Rugy, etc., montre qu'on ne peut pas leur faire confiance pour mener une transition écologique efficace. Nicolas Dupont-Aignan, Jordan Bardella, Nathalie Loiseau, etc. Mais ils ont tous un certain talent. Ben oui, c'est pour ça qu'ils sont élus. Ça veut dire que nous, les électeurs, on fait confiance à des gens comme ça. Eh ben, ça veut dire qu'on n'est pas malin. Hein? Ah ben oui, faire confiance à des gens comme ça, ça veut dire qu'on est complice finalement. Ben bien sûr. Eh bien oui, si on admet ce genre d'attitude, ce genre d'action, eh bien, on est complice de ces gens-là. Alors il faut bien réfléchir avant de voter, parce que c'est trop grave. Les conséquences ensuite concernent des millions de personnes pendant des années. Mars 1904, il y a 115 ans, le tournant de l'affaire Dreyfus. C'est en effet en mars 1904 que commence le processus qui aboutira 2 ans plus tard à l'annulation de la condamnation d'Alfred Dreyfus et de sa réhabilitation. Et il a fallu du temps, hein. Il a fallu le faire souffrir, capitaine Dreyfus. 648 piscines olympiques de déchets nucléaires en France. Tous les jours, retrouvez le fil vert, le rendez-vous environnement de Libération. Aujourd'hui, le Greengraf, Vassisdas, Greengraf, hein, Kenenzidas. 1 620 000 mètres cubes de déchets radioactifs ont été comptabilisés en France fin 2017. Soit l'équivalent de 648 piscines olympiques créées en grande partie par 60 années d'exploitation nucléaire. 59% du volume de ces déchets provient de l'industrie électronucléaire. 28% de la recherche, le reste se partage entre la défense, l'industrie non nucléaire et le médical. Voilà, alors il y en a comme ça deux pages. Hein. Je vous fais grâce du reste. Je vous ai lu ce qui était vraiment, vraiment important, mais ce qui ne veut pas dire que le reste n'est pas important. Hein. Ben oui, le manque de temps fait que on est obligé de résumer, de s'en tenir au titre, disons. Pourquoi l'annulation de la dette allemande de 1953 n'est pas reproductible pour la Grèce et les pays en développement ? Par Éric Toussaint. L'Allemagne a bénéficié à partir du 27 février 1953, voilà une date à retenir, à fêter bien sûr, d'une annulation de la plus grande partie de sa dette qui était de fait qui était due au fait que l'Allemagne nazie avait été responsable de du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, hein, avec les millions de morts que ça a fait et les dégâts, pareil, très importants. Depuis cette annulation qui a permis à l'économie de ce pays de reconquérir la place de principale puissance économique du continent européen, aucun autre pays n'a bénéficié d'un traitement aussi favorable. Aucun autre pays n'a bénéficié d'un traitement aussi favorable. Il est très important de connaître le pourquoi et le comment de cette une annulation de dette. Alors je me suis permis de relire ce morceau de phrase, là, aucun autre pays n'a bénéficié d'un traitement aussi favorable, parce que quelqu'un sur ma feuille l'a souligné. Alors c'est certainement qu'il s'agit de quelque chose d'important. Résumé de manière très concise, les grandes puissances créancières de l'Allemagne occidentale voulaient que l'économie de celle-ci soit réellement relancée et qu'elle constitue un élément stable et central dans la lutte entre le bloc atlantique et le bloc de l'Est. Ah, on comprend mieux. On comprend mieux. Alors, tiens, ils ont chopé, il y a déjà un certain temps, 4,35 kg d'héroïne. Ces 4,35 kg d'héroïne valent 965 000 euros sur le marché. C'est-à-dire que cela coûte, l'héroïne, si vous jamais vous l'en achetez, il faut que vous sachiez le prix avant, c'est 220 euros le gramme. 220 euros le gramme. Alors, bon, autre chose, c'est en dessous, sur la même feuille, ça n'a rien à voir, mais bon, c'est sur la même feuille. Métal de la Tour Eiffel. Alors, si on fondait la Tour Eiffel, qu'on fasse une galette avec le métal fondu, avec le fer fondu, ça ferait un carré de 100 mètres sur 100 mètres, par 6 cm d'épaisseur, c'est-à-dire 7500 tonnes. Hein. Voilà, c'est le poids, c'est 7500 tonnes, le poids de la Tour Eiffel, c'est le poids aussi des débris qui sont en orbite terrestre. Et oui, à force d'envoyer des engins spatiaux dans l'espace, eh bien, on se retrouve avec des tonnes et des tonnes et des tonnes, 7500 tonnes de ferraille, d'aluminium, de magnésium, de tout ce que vous voudrez, qui tourne là-haut à toute vitesse, à 30 000 km/h environ. Et lorsqu'on lance une fusée, eh bien, il faut bien viser un créneau dans lequel il y a normalement, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, où il n'y a normalement pas de ferraille qui se balade à cette vitesse-là, parce que le satellite, la fusée envoyée à grand renfort de dollars ou de euros, de ce qu'on voudra, eh bien, elle serait détruite en une fraction de seconde. Eh oui, alors, il va falloir un jour envisager, il y en a qui commencent à réfléchir, à un moyen de nettoyer l'espace. Eh oui, parce que entre la planète Terre et l'espace environnant, ben il y a toutes ces tonnes de ferraille qui tournent à toute vitesse dans tous les sens, à toutes les altitudes, et voilà, ben c'est très gênant. C'est très gênant parce que d'une part, il y en a de temps en temps qui retombent sur Terre. Bon, heureusement, ils retombent la plupart du temps, enfin, statistiquement, dans l'océan. Ben oui, parce qu'il y a 73% de la surface terrestre qui est constituée d'eau salée. Hein, heureusement pour nous, enfin il y a aussi des bateaux, hein, puis il y a aussi des îles, hein, mais enfin bon, voilà. Alors tiens, Vosges Matin du lundi 19-11-2018, eh bien 22 pages de sport, 11 pages de gilets jaunes, 10 pages d'hiver, 9 autres pages d'hiver, et puis 4 pages de différentes choses, dont des mots croisés, voilà. Les mots croisés. Ah, pourtant, les mots croisés, quand même. Ah oui, oui, ça permet de passer un peu de temps à faire quelque chose qui est certainement utile. Hein. Ah oui. Voilà, alors tiens, on nous a bassiné beaucoup avec le fait que on nous faisait passer de 90 à 80 km/h. Eh bien, ça n'a pas eu de conséquences vraiment très importantes en ce qui concerne les accidents. Alors ça a eu une conséquence, c'est sûr. Hein, c'était relativement raisonnable sur certains tronçons de route, même 80 km/h, ça peut, à certains endroits, ça peut être dangereux. Hein. Ouais, oui. Ne pas respecter les distances de sécurité, c'est encore plus dangereux. Hein. Voilà. Et puis bon, bref. Et puis il y a plein d'autres choses qui sont dangereuses. Moi, je serais partisan d'envoyer des drones. Hein, qui filmerait certains tronçons de route pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, et puis ensuite, eh bien, la gendarmerie n'aurait plus qu'à établir les procès-verbaux ou la police, et puis envoyer ça au destinateur, parce que bon, ils auraient les numéros, les plaques minéralogiques, et puis ils auraient non seulement la vitesse, qui est bon, c'est quelque chose d'important, la vitesse, mais ils auraient aussi le comportement en général des conducteurs, tel ou tel qui téléphone en roulant, mange en roulant, fait ceci, fait cela, et puis les distances de sécurité qui sont pas respectées, et puis enfin bref, les comportements en haute côte, etc. Il y a plein de choses qui sont complètement bêtes, faites par les automobilistes. L'automobiliste moyen, il est très moyen, bon bref. Alors je me suis amusé à calculer avec la consommation, hein, les conséquences du passage de 90 km/h à 80 km/h. Eh bien, la consommation sur un trajet de 100 km, eh bien, dans un cas, on consomme 10,08 euros de carburant à 90 km/h, et à 80 km/h, on consomme 8,96 euros. Bon, ben, c'est toujours bon à prendre, des petites économies. Hein, on nous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup d'économies. Là, les gens du gouvernement nous parlent d'économies, c'est leur obsession. Ouais, ils veulent faire des économies en ce qui concerne notre vie, pas la leur. Hein. Voilà. Alors, tiens, autre chose en ce qui concerne la vitesse, eh bien, sur une distance de 30 km, par exemple, Miremont-Épinal, à 80 km/h, on met 23 minutes, et à 90 km/h, on met 20 minutes. C'est-à-dire qu'on gagne 3 minutes. 3 minutes sur les 30 km. Bon, ben, c'est toujours bon à prendre, bien sûr, oui, mais bon, c'est peut-être pas si. C'est pas si important que ça, c'est pas vital. Alors, la violence. La violence, c'est 566 SDF morts dans la rue en 2018. La violence, c'est 566 SDF morts dans la rue en 2018. 200 000 SDF, dont 30 000 enfants. 9 millions de pauvres. 4 millions de mal logés. 3 millions se privent de produits d'hygiène, etc., etc. Et 100 milliards d'évasion fiscale. 100 milliards d'évasion fiscale. Réveillez-vous.